Lu par Plume d'encre pour audiocité.net. Mademoiselle Irnois du Comte de Gobineau. Chapitre 1er. Monsieur Pierre-André Irnois fut un des marchands d'argent qui, sous la République, firent le mieux leurs affaires. Sans arriver aux splendeurs quasi fabuleuses des ouvrards, Monsieur Irnois devint très opulent. Et ce qui le distingua surtout de ses confrères, c'est qu'il eut le talent de conserver son bien. Enfin, il n'imita pas Hannibal. Il sut vaincre d'abord, puis conserver sa victoire. Sa race, si elle eût duré, eût pu le comparer à Auguste. Dans sa sphère, son élévation avait été plus étonnante encore que celle de l'adopté de César. Monsieur Irnois était parti de rien. « Ce n'est pas là ce qui m'émerveille. » Mais il n'avait pas l'ombre de talent. Il n'avait pas l'ombre non plus d'astuce. Il n'était que médiocrement coquin. Quant à se faufiler auprès des grands ou des petits, à capter d'utile bienveillance, il n'y avait jamais songé, étant bien trop brutal, ce qui remplaçait chez lui la dignité. Mal bâti, grand, maigre, sec, jaune, pourvu d'une énorme bouche mal meublée, et dont la mâchoire massive aurait été une arme terrible dans une main comme celle de l'Hercule hébreu, il n'avait dans sa personne rien qui, par la séduction, fût de nature à faire oublier les défectuosités de son caractère et celles de son intelligence. Ainsi, matériellement et moralement, M. Pierre-André Irnois ne possédait aucun moyen de faire comprendre comment il avait pu réaliser une énorme fortune et se placer au rang des puissants et des heureux. Et pourtant, il était arrivé à avoir 6 hôtels à Paris, des terres bâties dans l'Anjou, le Poitou, le Languedoc, la Flandre, le Dauphiné et la Bourgogne. 2 fabriques en Alsace et des coupons de toutes les rentes publiques, le tout couronné par un immense crédit. L'origine de tant de biens n'était explicable que par les étranges caprices de la destinée. Monsieur Irnois, ai-je dit, avait eu son berceau fort bas. Tout le monde, du moins, le croyait, et lui comme tout le monde. Mais par le fait, on n'en savait rien. Il ne s'était jamais connu ni père ni mère et avait commencé sa carrière sous la livrée de Marmiton dans les cuisines d'un bon bourgeois de Paris. De là, chassé pour avoir laissé brûler une rôtie confiée à ses soins un jour de gala, il avait erré quelque temps, soumis aux tristes fluctuations du vagabondage. Le pauvre diable s'était ensuite raccroché à un emploi de laquais chez un procureur, et bientôt congédié comme trop insolent et un peu voleur, il avait manqué mourir de faim une nuit fatale que le guet le ramassa, expirant d'inanition, sous un des piliers des Halles, où il s'était traîné après avoir en vain cherché dans les bourriers d'alentour quelques honteux comestibles. On voulut l'envoyer aux îles. Il s'échappa, se cacha dans le jardin d'une dame philosophe et philanthrope et, découvert, raconta son histoire. Par bonheur, cette dame avait ce jour-là autour d'elle plusieurs personnes invitées à dîner et parmi ses convives, M. Diderot, M. Rousseau de Genève et M. Grimm. Le récit du vagabond déguenillé servit de texte heureux à différentes considérations trop justes, hélas, sur l'ordre social. M. Rousseau de Genève embrassa publiquement Irnois en l'appelant son frère. M. Diderot l'appela aussi son frère, mais il ne l'embrassa pas. Quant à M. Grimm, qui était baron, il se contenta de lui faire de la main un geste sympathique en l'assurant qu'il voyait en lui l'homme, le chef-d'œuvre de la nature. L'expression de cette grande vérité reconnue par toute la compagnie ne suffisait pas au pauvre diable. Par le plus étonnant des hasards, en le renvoyant, on pensa lui faire donner une soupe et un lit. Le lendemain matin, la maîtresse de la maison l'avait déjà oublié et certainement aurait donné ordre de le mettre dehors si on lui eût rappelé le chef-d'œuvre de la création, l'homme que la veille elle avait si philosophiquement accueilli. Mais une vieille intendante lui trouva les épaules suffisamment plates pour y mettre des charges de bois et les bras assez longs pour scier des bûches. Il gagna ainsi sa vie jusqu'au jour où il redevint laquais. C'était une fortune. C'était de là qu'enfin l'aigle devait prendre son vol. En peu de temps, Irnois passa du service de la dame philosophe à celui d'un comte dévot, puis d'une marquise intrigante, puis d'un turcaret. Ce turcaret, le voyant suffisamment inepte, le jugea digne de recevoir les droits à la porte d'une petite ville. Et voilà Hiernois commis. C'était une belle position pour ce malheureux. Il ne sut pas la garder, il tint mal ses comptes. Il fut chassé. Alors, il voulut revenir à Paris, et dans le trajet, il lui arriva une aventure qui semblera peu probable, mais qui n'en est pas moins véritable. Qu'on se souvienne, en la lisant, qu'Hiernois était destiné à devenir le favori de la fortune. Comme il avait gagné quelque petit argent dans sa gestion, il avait acheté un pauvre cheval gris dont il comptait se défaire à l'arrivée. Un matin qu'il était parti de fort bonne heure de s'accoucher, il arriva au rond-point d'un grand bois vers le moment où l'aube commençait à poindre. C'était au mois d'octobre, le temps était brumeux, le jour fort terne, et enveloppé dans sa cape, son chapeau sur les yeux, Hiernois était loin d'avoir chaud. Par conséquent, son âme, peu virile d'ordinaire, n'avait pas grande fermeté. Que devint donc l'ex-commis, parvenu au débouché du rond-point, lorsqu'il vit à l'entrée de l'avenue qui lui faisait face, et par laquelle il devait absolument passer, un groupe d'hommes à cheval? Hiernois n'hésita pas en sa pensée. Il est reconnu pour voleur, et qui plus est, voleur de grand chemin. Il songea à fuir. Mais s'il tournait les talons, ces misérables allaient sans doute mettre d'horribles mousquets en état et le cribler de balles. Il frissonna d'horreur et resta planté sur sa selle, son cheval retenu fermement. Les cavaliers placés de l'autre côté du rond-point, le voyant ainsi immobile, attendirent quelque temps en l'observant, mais comme il ne bougeait pas, il n'aurait pas remué pour un empire. Ils prirent leur parti après un colloque animé et l'un d'entre eux s'avança vers Hiernois. Celui-ci se crut à sa dernière heure et allait tirer sa bourse pour la donner. Lorsque le cavalier, mettant son chapeau à la main, lui dit avec une extrême politesse « Monsieur, ce bois n'est pas ce que vous croyez. On vous aura fait quelque faux rapport, veuillez en être convaincu. Mais dans notre désir de vous être agréable, nous vous offrirons 5 000 livres. C'est en conscience tout ce que nous pouvons faire. » Hiernois, à cet étrange discours, pensa que les brigands voulaient ajouter la raillerie à la férocité et se proposaient de l'égorger en riant. Sa peur redoubla, et s'il ne se fût cramponné des deux mains à l'arçon de sa selle, il serait certainement tombé de cheval. Le cavalier, le voyant muet, ne commit aucune violence, salua au contraire et retourna vers ses compagnons. Hiernois, dont les dents claquaient, s'aperçut bientôt que deux hommes se détachaient de nouveau du groupe et se dirigeaient vers lui. Ils l'abordèrent non moins poliment qu'avait fait le premier, et l'un d'eux prit la parole. « Allons, monsieur, dit-il, vous avez décidément l'esprit prévenu. Ne parlons plus de 5 000 livres. Mettons-en 10 et concluons. Oh, les scélérats !» se disait Hiernois au comble de l'épouvante. « Les scélérats !» Pourtant, cette fois encore, il ne lui arriva aucun mal. Les cavaliers, après avoir attendu inutilement sa réponse, s'éloignèrent et la conférence recommença entre eux et leurs compagnons. Enfin, toute la bande se dirigea vers Hiernois, qui, pour le coup, se tint assuré d'être arrivé à sa dernière heure. Mais quelle fut sa stupéfaction quand le cavalier qui lui avait parlé d'abord lui dit « Monsieur, vous êtes au moment d'avoir une mauvaise affaire. » « Ah, monsieur, répondit Hiernois d'un air lamentable, que je vous aurais de reconnaissance si vous vouliez bien m'en tenir quitte. » Le cavalier se mit à rire. « Mais je vois, monsieur, que vous êtes plaisant et savez la valeur des choses. Mes associés et moi, nous voulons agir rondement avec vous. Allez, voici, ajouta-t-il en tirant un portefeuille de sa poche, 20 000 livres. Ne nous en demandez pas plus. Cette coupe de bois est une bonne spéculation sans doute, mais elle deviendrait détestable si votre désistement nous coûtait davantage. » Hiernois, malgré l'épaisseur de sa judiciaire, comprit alors que ces affreux scélérats étaient des marchands de bois qui voyaient en lui un adjudicataire rival. En effet, on leur en avait annoncé un. Il s'empressa de prendre les 20 000 livres plus sa part d'un excellent déjeuner, et il renonça de grand cœur à tout ce qu'on voulut. Ces 20 000 livres se comportèrent vaillamment dans ses mains. Le gouffre de l'agiotage ne lui engloutit pas le plus mince écu. Il eut beau aller de l'avant avec l'imperturbable témérité de la sottise, tout lui réussit. Et si belle et si bien qu'il fit douter plusieurs fois certains vétérans de la ferme générale s'il n'était pas un génie financier de premier ordre. Heureusement pour lui qu'avec ses succès, il n'était encore que petit compagnon lorsque la révolution arriva. Son humble tête n'appela pas la foudre dont il eut peut-être mérité les éclats. Il se cacha, et avec lui ses pistoles, et il ne sortit de son trou pour friponner la République que lorsque le fort de la Tourmente fut passé. Il réussit assez dans le tripotage des assignats. Pourtant, ses triomphes dans ce genre ne furent rien comparés à ses exploits dans les fournitures de souliers. Il avait eu le bon esprit, par couardise, de se mettre à l'abri derrière quelques esprits aventureux auxquels il se contentait de prêter de l'argent et qui, eux, agissaient en leur propre et privé nom auprès du gouvernement. Il vit arriver des monts d'or dans ses caisses, et au comble de l'enivrement, Bonaparte était déjà consul à vie qu'il se considérait encore comme le plus grand homme du siècle. Un beau jour, il prit femme. La compagne qu'il choisit pour perpétuer sa race était la fille d'un spéculateur comme lui, Mademoiselle Maigrelu. Et ce ne fut pas la moindre faveur de son étoile que de la lui avoir donnée simple, sotte et ennemie du faste et des plaisirs, comme lui-même était. Avec elle, il épousa en quelque sorte Mesdemoiselles Catherine et Julie Maigrelu, les sœurs, que la ruine et la mort de leur père firent tomber bientôt dans son ménage. Oh, il ne s'en plaignit pas. Il avait, comme il se plaisait à le dire, de quoi tremper la soupe pour tout le monde. Et aimant peu les assemblées, les visites, les plaisirs mondains, et sentant que la capacité de l'esprit de Mesdemoiselles Maigrelu et de Madame Irnois se haussait précisément à la hauteur du sien, il trouvait du charme dans leur société, ce qui le dispensait de sortir de chez lui. Tel était Monsieur Irnois, telles étaient les compagnes de sa solitude. Quant à la vie qu'il menait, il faut en parler ici. Monsieur Irnois, avec tous ses hôtels, ses grands biens, ses immenses revenus, n'avait jamais pu se faire au luxe et se trouvait gêné dans les grands appartements. On l'accusait d'avarice et l'on était injuste. S'il ne dépensait pas, c'est que cela ne l'amusait point. Il habitait au second étage d'une maison sise dans le quartier des Lombards. On sait ce que sont les demeures humaines dans ce coin de Paris. Toutes les chambres étaient uniformément carrelées de rouge, hors le salon parqueté. Toutes les chambres étaient uniformément sombres, hors les chambres à coucher, plus sombres encore que tout le reste, parce qu'elles donnaient sur la cour. Les meubles étaient d'acajou dans les grands appartements, de noyer dans les petits. Le velours d'Utrecht jaune régnait partout en maître, et quelques pendules dorées représentant Flore et Zéphyr ou l'amour attrapant un papillon étaient les dernières limites de la magnificence Irnois. D'objets d'art, il n'y en avait pas d'autre que le portrait à l'huile du maître du logis, épouvantable création de quelques barbouilleurs d'enseigne. Le domestique se composait d'une cuisinière, d'une grosse femme de confiance, et d'un petit garçon mal vêtu et jamais peigné qui cumulait des emplois d'importance très diverses, tantôt fendeur de bois, tantôt commissionnaire, tantôt secrétaire intime, tantôt laquais. Voilà l'organisation de ce ménage où M. Irnois ne trouvait rien à changer, où il traînait en despote, parlant fort, grondant fort, ou rechignant du matin au soir. Mais ainsi que dans ces vallées étroites, stériles, affreuses, que la nuit couvre d'ombres épaisses et où le voyageur marche d'un pas chancelant et effrayé, il finit toujours par apparaître quelques clartés lointaines qui vous rend la joie. Ainsi, dans l'antre de M. Irnois, il y avait une clarté. Clarté faible et douteuse, il est vrai, mais charmante cependant pour les yeux qu'elle éclairait et qui n'avaient pas besoin d'un grand jour. Dans cet appartement obscur et maussade, peuplé de gens désagréables, Il y avait, comme dans toutes les choses humaines, un bonheur où s'allait échauffer le peu de poésie de ses grossières cervelles, un bonheur où se confondaient toutes les affections. Quel lien commun auraient eu les cœurs de Mesdemoiselles Maigrelu, de Monsieur et de Madame Irnois, sans ce point lumineux de leur vie? Le sang de piquet, sans doute, c'est bien quelque chose, le reversi encore, mais avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas tout. Et ce que le sang de piquet et le reversi ne suffisaient pas à donner de chaleur, de vie et de douceur à ce cercle bourgeois, c'était Emmelina qui le donnait. Emmelina. Quand on avait dit Emmelina dans la maison, on avait tout dit. Maîtres et valets pensaient tout le jour à procurer à Emmelina la plus grande satisfaction possible. Sans Emmelina, il n'y avait rien. Avec elle, il y avait tout. Père, mère, tante, servantes et secrétaires intimes riaient, pâlissaient et pleuraient tour à tour, suivant l'accent avec lequel ce nom, Emmelina, était prononcé le matin par la grosse Jeanne, la femme de confiance, à son sortir de la chambre sacrée. La passion de tous ces honnêtes gens pour l'être chéri n'était pas identique, de même valeur et de même poids. Monsieur Irnois faisait peu de bruit de son affection, n'en parlait jamais que je sache, mais la ressentait plus vivement, plus sérieusement que personne. La seule manière dont il manifesta son amour pour sa fille était de ne pas la rudoyer comme il faisait des autres. Il aimait Emmelina sans trop le savoir. Et comment l'aurait-il su, lui qui, de sa vie, n'avait réfléchi ni aux choses, ni aux hommes, ni à lui-même? Sa fille ne pouvait l'empêcher d'être maussade, mais elle pouvait le rendre 20 fois plus désagréable qu'il n'était d'ordinaire, et cela par le seul fait que, le matin, il n'aurait pas été réveillé par un rapport satisfaisant sur l'état de santé d'Emmelina. Bref, il l'aimait passionnément. Madame Irnois, de tempérament calme, que dis-je, glacial, et n'ayant de sa vie éprouvé la moindre sensation vive, sans quoi elle n'eût jamais voulu entendre parler d'épouser monsieur son mari, Madame Irnois passait une grande partie du jour à tenir sa fille sur ses genoux, à l'embrasser, à la caresser, à lui dire tous les riens que lui présentait son imagination. Bon, ces riens n'étaient pas jolis, ils n'étaient pas variés, et surtout ils n'avaient rien de spirituel. Madame Irnois était aussi complètement nulle que peut l'être une bourgeoise vieille, laide et ignorante. Mais elle faisait de son mieux pour amuser sa chère enfant. Elle sentait son cœur se fondre quand elle la regardait, et ne pouvait pas la regarder sans embrasser. Sous ce rapport, sa tendresse ressemblait beaucoup à celle de Mademoiselle Maigrelu, les tantes maternelles d'Emmelina, seulement un peu plus jaseuses que leur sœur mariée. Mesdemoiselles Maigrelu étaient tout ce que l'on peut désirer de plus parfait comme type de vieille fille. On les eût lâchées l'une et l'autre au milieu d'une ville de province, qu'elles eussent développé avec une puissance inouïe une méchanceté de tigre et de vipère. Mais leur séjour constant au sein de la solitude, dans une claustration presque absolue, avait maté ces natures dangereuses, et toute leur ardeur s'était tournée en dévouement servile et convaincu pour Emmelina. Ainsi aimée, ainsi adorée et servie, Mademoiselle Irnois atteignit sa 17e année. Et c'est le moment où commence l'anecdote que j'ai à raconter. Elle avait donc ce bel âge de jeunesse qui est comme la porte dorée de la vie. Il est temps de dire ce qu'elle était et de la montrer entourée de sa cour, à savoir de son père maigre et jaune, de sa mère grosse et commune, de ses tantes sèches, effilées et bavardes, et de ses servantes qui ne valent pas l'honneur d'une description. On s'attend sans doute à entendre un récit merveilleux de perfections inouïes, à contempler une jeune fille douée par les fées de tous les charmes de la beauté et de l'esprit? Eh bien, nous allons voir. Chapitre 2. Emmelina, cet ange, cette divinité, cet objet de tant de vœux, était à 17 ans une pauvre créature de la taille d'une fille de 10 ans et qu'un sang mauvais avait privée tout à la fois de croissance, de conformation régulière, de force et de santé. Sans être précisément bossue, elle avait la taille déjetée, et en plus, sa jambe droite était moins longue que sa jambe gauche. Sa poitrine était comme enfoncée et sa tête, penchée de côté par le vice de sa taille, s'inclinait aussi en avant. Avait-elle au moins un joli visage pour contrebalancer quelque peu d'aussi grands défauts? Hélas non, sa bouche n'était pas bien faite, ses lèvres trop grosses lui donnaient un air boudeur. Sa pâleur maladive ne lui seyait pas bien. Seulement ses grands yeux bleus étaient assez beaux et touchants, et sa chevelure, blonde comme celle d'une fée, était incomparable. Aussi dans la maison parlait-on souvent de ses magnifiques cheveux. Les cheveux d'Emelina étaient le point de comparaison favori auquel on aimait à rapporter ce qu'on voulait louer le plus. La pauvre fille, ainsi maltraitée par la nature, avait grand-peine à marcher et à changer de place. Elle était un peu comme un roseau, toujours plié et affaissé sur elle-même. Et la vieille Jeanne, sa bonne, qui l'avait portée enfant, la portait encore toute grande demoiselle qu'elle était. Elle n'aimait pas à marcher, elle y trouvait trop de peine et de fatigue. Puis, elle ne s'y était jamais accoutumée. De telle sorte que, lorsqu'il s'agissait de passer d'une chambre dans une autre, on entendait la petite voix douce d'Emelina. « Jeanne, porte-moi » Et Jeanne la portait. On pourrait croire que se voyant adorée, adulée et obéie, Emelina était gâtée, très volontaire, capricieuse et toujours en dépense de fantaisie et de volonté. Mais point. Elle passait à peu près tout le jour dans le silence et sans rien faire. Sa mère aurait aimé à la voir s'occuper, mais jamais on n'avait pu obtenir cela d'elle. La broderie, la tapisserie ne la séduisaient pas. L'éclat des laines et de la soie lui importait peu. Elle n'avait aucun goût de toilette, et elle ne songeait jamais à la parure, et jamais elle ne s'était demandé si sa figure était belle ou laide. Son tempérament était apathique. Jamais elle ne voulait ni ne désirait rien. Elle ne paraissait pas s'ennuyer, mais elle ne s'amusait pas non plus. Une fois, on l'avait conduite à l'opéra. L'événement avait fait époque dans la maison, mais M. Irnois, sa femme, ses deux belles-sœurs et Jeanne avaient été très frappés de la magnificence du spectacle. Emelina, seule, n'avait rien témoigné et n'en parla point dans la suite. Véritablement, elle avait peu de part à la vie et, dans ses grands jours d'activité, elle prenait un ourlet, toujours le même. D'éducation intellectuelle, elle n'en avait reçu aucune. D'ailleurs, personne autour d'elle ne l'avait même jugée nécessaire. Seulement la tante Julie Maigrelu, qui de temps en temps feuilletait assez volontiers un roman de M. Ducret du Minil ou de Mme de Bournon-Malarme, lui avait appris à lire, et elle se servait de cette science pour prendre quelquefois Peau d'âne ou le Chaboté dans le volume de Perrault. Elle avait commencé par là avec son institutrice, et elle ne s'était jamais risquée seule à aller plus loin. À 17 ans encore, elle prenait Peau d'âne ou le Chaboté et passait toute une journée dans sa compagnie. Elle n'y rencontrait pas grand charme, mais non plus grande fatigue, et il ne lui en fallait pas davantage. Tous les jours à 8 heures, Jeanne, qui couchait dans sa chambre auprès de son lit, s'en approchait pour savoir comment elle avait dormi, demande quotidienne à laquelle Emelina répondait quotidiennement. « Bien, Jeanne !» Mais son teint, plus ou moins pâle, ses yeux, plus ou moins battus, étaient les véritables témoins que Jeanne interrogeait. La consultation terminée, Jeanne se rendait tout en courant chez M. et Mme Irnois, où elle communiquait ses sentiments, où elle déclarait combien de fois Emelina avait bu pendant la nuit. Si le bulletin était mauvais, M. Irnois devenait plus loup que de coutume, et sa voix furibonde allait porter la terreur jusqu'au fond de la cuisine. Mesdemoiselles Maigrelu savaient alors à quoi s'en tenir sur la marche de toute la journée et venaient par leur glapissement prendre part à la désolation générale. Si au contraire les déclarations de Jeanne étaient favorables, si Emelina n'avait demandé à boire que 2 fois, M. Irnois était plus économe de jurons et d'invectives, et chacun se ressentait de cette bénignité. Alors Jeanne retournait habiller la jeune fille. Oh, ce n'était pas une toilette charmante comme celle des Grâces. On lui mettait quelques robes de mérinos en hiver ou de toile en été, avec un bonnet qui tenait ses beaux cheveux enfouis, et l'affaire était faite jusqu'au moment de se coucher. Habillée, Emelina recevait dans son fauteuil les bonjours et les mamours de toute la famille et la brusque accolade de son père. Après déjeuner, il était assez dans ses habitudes de dire à sa mère Maman, je vais m'asseoir sur tes genoux. Viens, mon cher ange, répondait Madame Irnois. La pauvre enfant malade se couchait sur le giron de sa mère et souvent s'y endormait, ou alors veillait sans rien dire, en se laissant couvrir de baisers qu'elle ne rendait pas. On ne viendra sans doute pas demander maintenant si Emmelina avait de l'esprit. Ah non, certes, elle n'en avait pas, la malheureuse fille. Ni rien qui ressemblât à l'agitation de l'intelligence. Mais qu'est-ce que l'esprit, sinon de savoir deviner et exprimer les rapports réels ou factices qui existent entre les choses? L'esprit ne saurait se développer au milieu de la solitude, ni avec la compagnie des imbéciles. Et il n'était personne dans la maison de M. Irnois dont le contact pût permettre à Emmelina d'avoir de l'esprit. Puis, comme on ne lui avait rien appris, elle n'avait nulle matière à exercer son intelligence. Partant sa conversation, si par hasard quelqu'un fût venu la solliciter, n'aurait eu rien que de très vulgaire. Voici donc mon héroïne, contrefaite, point jolie de visage, sans esprit et la plupart du temps silencieuse, maladive et trouvant son plus grand bien-être à se tenir couchée sur le sein maternel comme un enfant de 4 ans. Il n'y a rien dans une telle peinture qui séduise beaucoup. Mais le portrait n'est pas achevé tout à fait, puisqu'il n'a rien été dit de cette disposition rêveuse qui faisait le désespoir de toute la maison Irnois et qui, non seulement formait le trait principal du caractère d'Emmelina, mais était même tout son caractère. La pauvre fille, sans avoir ni la conscience ni le regret de ses imperfections physiques, était, comme tous les êtres mal conformés, vouée à une profonde et incurable tristesse, en apparence sans cause, mais que la réaction du physique sur le moral explique trop complètement. De cette tristesse irréfléchie, qui ne faisait que jeter un voile sombre sur l'existence de Mademoiselle Irnois, il ne s'exhalait jamais aucune plainte. Mais lorsque 17 ans étaient arrivés, et avec cet âge les développements mystérieux de l'être, tous les seins de pensée printanière qui à cette époque de la vie s'élancent et accourent autour de l'âme, Emmelina jeune fille était devenue plus silencieuse encore qu'Emmelina enfant. Bien qu'elle ne connût pas le travail intérieur de son être, qu'elle fût très loin de pouvoir l'analyser, elle en restait mal à l'aise et elle en restait malheureuse. Elle aspirait à ce bien inconnu que les dieux de la jeunesse, le blond vertume et la fraîche pomone dispensent en souriant, mais elle y aspirait avec souffrance et volontiers aurait éprouvé le désir de mourir si elle eût su se poser à elle-même une question. Néanmoins, sa tristesse devenait tous les jours plus profonde. Une cause extérieure était venue donner à cette âme déshéritée plus de souffrance avec plus de vie. Tout à l'heure, nous en parlerons en détail. Emmelina avait renoncé à chercher protection sur les genoux maternels. Elle préférait maintenant passer sa journée à une fenêtre de sa chambre qui donnait sur la cour et ne voulait plus guère aller dans le salon. Par une singularité qui étonnait tout le monde, elle sembla pendant quelque temps avoir plus de force et de santé qu'on ne lui en avait jamais vu. Ses joues avaient même eu pendant quelques jours une teinte rosée qui avait paru aux yeux charmés de toute la maison réaliser l'idéal des doigts de l'aurore. Pourtant, elle ne voulait plus sortir de sa chambre, et dans sa chambre n'aimait que le coin de la fenêtre choisi. La si douce Emmelina, bientôt, alla plus loin encore. Chose inouïe, elle eut une volonté. Elle prétendit rester seule. Elle renvoya mère, bonne et tante sans pitié. Et un jour, qu'inquiète d'innovations si étranges, Madame Irnois essayait quelques observations timides, Emmelina, prodige effrayant, Emmelina frappa du pied et fondit en larmes. Toute la famille en fut consternée pendant 2 jours. Mais M. Irnois défendit de la manière la plus sévère qu'on osa se permettre de contrarier sa fille. L'arrêt était rendu en termes véritablement terribles, mais le juge était redoutable. Et comme personne ne contestait la justice du fait, on se mit à obéir avec une ardeur rare chez ceux qui obéissent. Ainsi, Emmelina resta libre de passer de longues journées seule dans sa chambre, assise dans un fauteuil à l'angle de sa fenêtre, y faisant, eh bien, personne ne savait quoi. Cependant, elle avait 17 ans. Monsieur Irnois s'était marié, si j'ai bonne mémoire, vers juillet ou août 1794. Oh, ce n'était pas trop une époque convenable pour songer au mariage, ni à aucune joie. Mais le brave capitaliste n'avait pas l'âme très sensible aux dangers de la patrie, et il s'était uni sans remords à Mademoiselle Maigrelu. À l'époque où je prends mon histoire, on était donc en 1811, et si l'ancien fournisseur vivait très retiré, son existence n'était pas pour cela inconnue. L'éclat de l'or est tout aussi évident que celui du soleil, et un coffre-fort bien rempli ne saurait se dérober à la connaissance, à l'admiration et à la convoitise des citoyens d'un grand État. Monsieur Irnois habitait le quartier des Lombards. Sa porte, soigneusement fermée aux hommes graves comme aux freluquets, ne s'ouvrait presque pour personne. On savait de point en point combien il y avait d'écus dans la maison numérotant, on était pleinement édifié sur les habitudes du logis, et l'on avait une parfaite connaissance de l'existence de Mademoiselle Irnois, laquelle, en sa qualité d'unique héritière des gros biens paternels, tenait attachée au bout de sa ceinture virginale les clés de la caisse. Or, quel serait l'heureux mortel vainqueur du dragon, le père Irnois, et possesseur des pommes d'or, la grosse fortune? C'était une question que l'on s'adressait volontiers dans quelques cercles des plus élevés de ce temps-là. L'époque actuelle a la réputation mauvaise. On lui reproche d'aimer l'argent avec excès. Mais pour ne pas être injuste envers elle, il faut avouer que la passion du pécule a dévoré bien des hommes avant que notre génération apparût sur la scène du monde, et que sous l'Empire, on pouvait trouver sans peine des personnages qui, tranchant par leur convoitise sur les passions guerrières du temps, s'abandonnaient au goût des capitaux, avec autant de verve que nos hommes de bourse les plus acharnés. Dans ce temps-là, certains grands messieurs, spéculant sur la gloire nationale, aimaient à mettre la main dans les caisses de l'étranger. Il y en eut aussi d'autres qui mirent leurs espérances de fortune dans la conclusion de riches mariages, ni plus ni moins que les illustres roués de la Régence, et par une circonstance toute particulière à cet âge, ces gens-là surent détourner souvent à leur profit l'action de la puissance impériale, en faisant intervenir la volonté du maître dans des unions qui, sans ce secours quasi divin, n'auraient jamais pu se conclure. Sans doute, je ne prétends pas dire que Napoléon se soit fait de gaieté de cœur le soutien d'ambitions aussi basses. Mais il voulait en principe que les grandes fortunes revinssent aux grands emplois, et comme il arrive fréquemment sur cette terre, où les plus belles choses ont le pire destin, que les plus beaux principes y ont aussi quelquefois des applications fâcheuses. Plus d'une avidité subalterne profita des sentiments de l'empereur et se faufila par leurs moyens dans des familles qui ne voulaient pas l'accueillir. Il y avait en 1811 au Conseil d'État un certain comte Cabarrot, dont les services étaient fort appréciés et qui était en effet un homme de mérite. Petit avocat avant la Révolution à je ne sais quelle cour souveraine, il avait sucé avec le lait dans la famille de Bazoches, dont il était issu, une érudition judiciaire vraiment profonde. Dès son plus jeune âge, Cabarrot avait entendu parler chicane, les coutumes, la loi romaine, toutes les lois imaginables, lombardes, bourguignonnes, franques, et jusqu'à la loi salique, avaient été les constantes occupations données à son cerveau par l'auteur de ces jours. Petite merveille, donc, s'il se fût trouvé à 30 ans dans le barreau un des hommes les mieux instruits. Envoyé à la Convention, mais orateur peu diseur et trembleur parfait, il s'était rejeté dans la pratique silencieuse des affaires. Sous le directoire, le citoyen Cabarrot s'était fait remarquer dans les bureaux des ministères. On l'avait employé avec succès à toutes sortes de besognes. Dans ce temps-là, les gens de plume devaient être un peu des Michel Morin. Cabarrot avait été ministre plénipotentiaire, puis commissaire de je ne sais quoi, puis chef de division à la justice, puis beaucoup d'autres choses. Enfin bref, Bonaparte, le voyant si expert, le prit et le mit dans le Conseil d'État, où sa vaste érudition en matière légale acheva de le rendre agréable au maître. On l'avait fait comte. Encore une fois, Cabarrot était, enfin, je veux dire, le comte Cabarrot, était un homme érudit et distingué par ses connaissances pratiques. Mais il était aussi perdu de mœurs que savant et habile. Oh, je ne puis, ni n'en ai la moindre envie, entrer dans les détails de son existence intérieure. Il me suffira de dire que la société qu'il voyait, réunion de généraux, d'hommes de son métier, de diplomates, tous gens peu bégueules, riaient volontiers de ses habitudes, et que le prince Cambacérès lui accordait une part dans ses confidences. Le comte Cabarrot, avec tant de mérite et la faveur de César, n'était pas riche pourtant. Tout au plus comptait-il 30 000 francs de revenus, qui auraient bien semblé une montagne d'or à son père, le pauvre homme, mais qui ne lui suffisait pas. Ajoutez à ce chiffre 20 000 francs de dettes par an environ, et vous conviendrez que ce n'était pas assez. Le comte Cabarrot, un jour qu'il travaillait avec sa majesté impériale et royale, osa lui toucher respectueusement quelques mots de sa profonde détresse. Le souverain des mondes, pour me servir d'une expression orientale, ne répondit à cette plainte touchante que par des reproches, peut-être mérités, sur les horribles voleries de monsieur le comte. Monsieur le comte s'excusa de son mieux et revint à la charge, si bien qu'il lui fut demandé ce qu'il voulait. « La main de mademoiselle Irnois mettrait le comble à mes vœux, » répondit le conseiller d'État en s'inclinant. Là-dessus, explication sur ce qu'était mademoiselle Irnois. Comme quoi, au physique, elle était probablement peu jolie. Il était loin de le savoir, au juste. Mais aussi comme quoi, au moral, elle avait 400 ou 500 000 livres de rente, et qu'une telle union comblerait le plus humble et dévoué sujet de sa majesté impériale et royale, etc. Par bonheur, le comte Cabarrot, en homme d'esprit et parfaitement informé, s'était pressé d'agir. Il savait vaguement que la fille avait 17 ans et qu'avec les vertus qu'il se plaisait lui-même à signaler en elle, il ne se pouvait pas qu'avant un mois, l'attention de bien d'autres céladons de son genre ne se fût éveillée aussi. En effet, on y pensait déjà, mais on ne se hâta pas assez. Le comte Cabarrot fut plus alerte. La puissance auguste qu'il implorait se montra de son côté bénévole. Cabarrot ne quitta le cabinet qu'en emportant un ordre adressé à M. l'aide de camp de service, ou tel autre personnage qui alors transmettait les volontés impériales, de commander à M. Pierre-André Irnois de se présenter à 3 jours de là devant son souverain. Le comte Cabarrot se vit transporté au 7e ciel. Jamais il n'avait été aussi heureux depuis le jugement de Tallien qu'il avait regardé de travers. Chapitre 3. Le comte Cabarrot était un trop fin diplomate pour faire prématurément confidence à ses meilleurs amis de l'espoir charmant qu'il avait conçu. Il gardait au contraire la réserve la plus complète le soir de ce beau jour où l'empereur lui avait daigné promettre d'intervenir en sa faveur. Mais malgré cette discrétion, un si complet épanouissement dilatait son laid visage, élargissait sa face plate, que le prince archi-chancelier, non moins que M. d'Aigrefeuille et autres, ne purent s'empêcher d'en faire la remarque. « Faites-moi le plaisir de me dire ce qui charme si fort Cabarrot ce soir, » se disait-on. C'était bien simple. Le tendre Cabarrot pensait à sa prochaine union avec mademoiselle Irnois. Ici, quelque lecteur s'imaginera peut-être que le comte, n'ayant jamais vu sa belle ni entendu parler de ses infirmités, se préparait à lui-même une douloureuse reculade. On croira peut-être qu'il n'aurait pas voulu d'une jeune femme dans l'état de la pauvre Emelina. Et bien qu'on se détrompe. Il faut ici connaître le comte Cabarrot tout entier. Pour 600 000 livres de rente, et même pour beaucoup moins, il aurait donné sans hésiter sa main à Carabosse, avec tous les travers de taille et les monstruosités d'humeur de cette fée célèbre. Et oui, le comte Cabarrot était un homme positif. Je dis donc que ce soir-là, dans le salon du prince Cambacérès, il fut adorable d'esprit et de gaieté. lorsque la foule s'étant retirée, il n'y eut plus autour de la cheminée qu'un petit nombre d'intimes, il se mit à raconter une foule d'aventures plus ou moins risquées, avec un goût, un tact, un mordant qui lui valurent des applaudissements unanimes. Ah, il était si heureux. Dans la maison de la rue des Lombards, la sensation ne fut pas absolument la même. Lorsque la missive impériale avait été remise à M. Hirnois avait ressenti une profonde terreur. L'idée de paraître devant son souverain n'avait pas fait naître en lui ce sentiment d'orgueil qui gonfle aujourd'hui la poitrine de tout officier de la garde civique, enlevé pour la première fois au tonneau obscur où croupit son résiné, pour briller, astre nouveau, dans les régions lumineuses d'un bal de la cour. Monsieur Hirnois était comme tous les gens à argent de ce temps-là. Il n'aimait pas le contact du pouvoir. Le mot « gouvernement » le faisait frissonner. Il ne voyait dans les hommes dépositaires de l'autorité que des ennemis nés de sa caisse, des harpies toujours en quête de spoliation. Il manqua tomber de son haut lorsqu'un gendarme lui remit le hâtis-shérif que le mandait au palais. Il arriva pâle et la figure renversée dans son salon où bavardaient sa femme et ses belles-sœurs. Et bien que ce fût chose assez rare chez lui que de parler de ses affaires ou de demander conseil, il se planta au milieu de l'aéropage féminin et, tendant sa lettre d'un air désespéré, il s'écria « Mille noms d'un diable ! Regardez quel pavé me tombe sur la tête !» Six yeux s'illuminèrent de curiosité, six bras s'étendirent, six mains armées en tout de 30 doigts crochus voulurent se saisir de l'épître qui bouleversait à tel point le maître du logis. Mademoiselle Julie Maigrelu fut la plus agile. Elle s'empara de la lettre et la lut rapidement tout haut, puis elle se laissa tomber dans son fauteuil en s'écriant « Ah, mon Dieu !» Mademoiselle Catherine Maigrelu saisit au vol le précieux papier tombé des doigts de sa sœur et s'écria de même après l'avoir lu tout haut « Ah, mon Dieu !» Madame Hirnois, ne pouvant croire ce qu'elle avait entendu deux fois déjà, récita ainsi que ses deux sœurs le contenu de la lettre et donna, comme elle, des témoignages évidents de sa désolation profonde. Les trois femmes pensèrent un instant qu'il ne s'agissait de rien de moins que de faire un très mauvais parti à M. Hirnois. L'ancien fournisseur fut cependant plus brave que ses compagnes et les assura que, suivant toute probabilité, les choses n'en viendraient pas là. D'ailleurs, ce serait par trop inique. Jamais il n'avait mal parlé d'aucun gouvernement, et de celui de l'empereur moins que de tout autre. Ses contributions avaient toujours été régulièrement payées. Sans doute, il y avait eu jadis quelque peu à redire dans la manière dont il avait chaussé les régiments. Mais toutes ces peccadilles étaient passées depuis longtemps, et d'ailleurs, il n'avait jamais été en nom dans les fournitures. Décidément, l'empereur ne pouvait lui vouloir le moindre mal. Mais que lui voulait-il donc ? Mademoiselle Julie Maigrelu fut la première à ouvrir un avis important sur cette question nouvelle. Je dis nouvelle, parce que du noir, on était passé au rose. Elle insinua que l'empereur mandant son frère innocent comme un agneau, il fallait absolument que ce fût pour le récompenser. Mais récompenser de quoi ? Mais de son immense fortune, répondit aussitôt mademoiselle Catherine Maigrelu. Oh, elle a raison, dit mademoiselle Julie. Elle a 100 fois raison, murmura madame Hirnois. Me récompenser, s'écria le Richard. Mais de quelle manière ? On ferait mieux de me laisser tranquille, ventre bleu. Mais je ne serais pas étonnée, mon frère, reprit mademoiselle Julie, que sa majesté impériale voulût vous faire duc ou maréchal de l'Empire. « Vraiment, un homme si riche que vous, mais il n'y aurait rien de surprenant. »« Bah, vous êtes trois sottes !» cria M. Hirnois d'une voix tenante. « Mais pour devenir maréchal, il faut avoir été soldat. Il me nommera plutôt baron. Bon, enfin, n'importe. Je veux que la peste m'étouffe si je suis bien amusé d'aller parader dans ces Tuileries. Enfin, comment faudra-t-il m'habiller ?» Ce fut encore une délicate question. On ouvrit et l'on repoussa beaucoup d'avis. Enfin, on se rangea au seul raisonnable, qui fut d'appeler le tailleur et de le consulter. On n'avait que 3 jours devant soi. La précipitation ne pouvait être trop grande. La désolation de M. Irnois fut sans bornes lorsqu'il apprit le soir même qu'à toute force, il lui fallait endosser habits brodés, culottes de casimir, bas de soie blanc, souliers à boucles, chapeau à claques, et se faire friser, et s'embrocher d'une épée, et mettre des gants. Enfin, cependant, il se soumit. Et tout en jurant et en se démenant comme une mécanique, il s'abandonna aux soins du malheureux, du trop malheureux artisan chargé de donner des grâces à sa personne. La maison était sans dessus-dessous, et cependant, Emmeline ne prenait pas la moindre part aux terribles événements déchaînés autour d'elle. Lorsque la lettre du château avait été montrée par son père et sa mère à ses tantes, elle était seule dans sa chambre, suivant son usage. Le soir, elle entendit parler autour d'elle de ce qui allait advenir. On lui dit même, ce fut Mademoiselle Catherine, « Tu ne sais pas, Emmeline, ton père qui va après-demain à la cour. C'est joli ça, ma petite, non ?» Emmeline sourit doucement en regardant qui lui parlait. Mais elle ne répondit pas et ne parut même pas avoir compris que médiocrement ce qui lui avait été dit. Sa mère la contempla avec anxiété, puis leva les yeux au ciel en soupirant profondément. Dans ce moment, Madame Irnois ne fut plus la grosse et sotte bourgeoise que nous connaissons, mais une espèce de niobée, tant il y avait de vraies et profondes douleurs dans ce regard lancé vers les régions où l'on va si souvent en vain demander soulagement. Et Emmeline, de jour en jour, devenait plus absorbée. Elle n'était plus triste, mais elle parlait encore moins, et ne s'intéressait plus à rien, absolument. Ni le bavardage de ses tantes, ni les caresses de Jeanne, ni Podane, ni Lourlet ne pouvaient plus rien sur elle. Les tendresses même de sa mère ne semblaient plus lui tenir à cœur. Autrefois du moins, elle les cherchait. Maintenant, elle paraissait plutôt les éviter, car elle les recevait avec indifférence ou montrait même en être impatientée. Et cependant, était-elle malheureuse ? Ce n'était pas croyable, car elle avait parfois sur la bouche et dans les yeux comme un fin sourire, comme une flamme subtile qui dénotait un bien-être infini. Quand on la regardait à la dérobée, on la voyait plongée dans une sorte d'extase qui semblait l'enivrer des plus ardentes délices. Elle ressemblait alors à une des saintes du Moyen-Âge, et si les gens de son entourage eussent su ce que c'était que l'intelligence, ils en auraient vu la plus sublime expression sur cette physionomie inspirée. Il fallait que cette puissance de l'exaltation fût pourtant bien vive, car Jeanne tombait quelquefois dans des contemplations muettes devant sa maîtresse et restait partagée entre l'admiration et une secrète terreur. Quand elle s'arrachait à cet état si étrange pour elle, elle sortait de la chambre sur le bout du pied, sans faire de bruit, et s'en allait dans la cuisine, s'écrier « Ah ! Jésus, Jésus, que Mademoiselle Emmeline ressemble à la Sainte Vierge !» La grande crise qui avait lieu autour de la jeune extatique ne produisit donc aucune impression sur cette imagination perdue dans une autre sphère, et M. Irnois dut se passer, dans ses hautes préoccupations, des sollicitudes filiales. Bon, du reste, il n'en sentit pas le vide. Il ne pouvait être exigeant, et il était d'ailleurs si absorbé, suspendu entre la crainte et l'espérance, écoutant tour à tour les conjectures de son conseil privé et les importantes communications de son tailleur, qu'il n'avait pas le temps de chercher à diviser ses pensées entre sa présentation à l'empereur et la tranquillité trop complète de sa fille. Il lui eût été d'ailleurs impossible de rêver à la fois à deux choses différentes. Enfin, il arriva ce grand jour où, aux yeux émerveillés de toute la maison, dont les locataires avertis s'étaient ameutés sur les différents paliers, M. Pierre-André Irnois franchit le seuil de sa porte en grand costume de cour, suivi du secrétaire intime qui, laquais ce jour-là, descendait l'escalier en se laissant glisser le long de la rampe pour arriver plus vite à la voiture de louage et ouvrir la portière. M. Irnois, le riche capitaliste, était d'autant plus laid et disgracié de la nature en cette circonstance mémorable que sa toilette était plus somptueuse et étalait davantage la prétention de faire ressortir des avantages physiques. Je ne pus m'empêcher en courant de jeter un coup d'œil détracteur sur ses pauvres bas réduits à envelopper enfin ce qu'ils enveloppaient, sur cette pauvre culotte de Casimir, flottant en plis malgracieux autour de ses cuisses qu'on devinait décharnées, sur ce corps maigre orné d'un jabot et d'un habit marron brodé d'argent, sur cette pauvre et déplorable épée. La voiture roula comme elle put, car elle était fort antique et délabrée, et atteignit les abords du carrousel. En ce temps-là, on aimait fort le luxe, et le souverain, qui voulait ranimer le commerce, en ordonnait l'étalage. Monsieur Irnois ne fut pas autorisé à faire rouler son équipage sur la noble poussière de la cour impériale. Il mit pied à terre, et sa lettre d'audience à la main, gagna, non sans quelques risques, à travers les voitures et les chevaux, l'escalier d'honneur. Il y avait grande réception. À côté de l'aide de camp de service qui appelait le nom de tous les présentés, se trouvait un homme d'une quarantaine d'années, assez laid, mais portant physionomie fine, madrée et spirituelle. Eh bien, c'était le comte Cabarrot, fort inquiet de l'arrivée de son futur beau-père. L'aide de camp, ayant jeté les yeux sur la lettre d'invitation et sur le personnage qu'il avait remise, lança un regard significatif au conseiller d'État. Celui-ci toisa fixement son futur beau-père. Mais au lieu d'assister ainsi à une réception impériale, ce qui est un bien trop grand honneur pour ce petit récit, mieux vaut nous en retourner dans la sphère plus humble du salon de Madame Irnois. Là, plus de splendeur, assez de magnificence, plus de cette pompe un peu théâtrale comme on l'entendait sous l'Empire. Une lampe brûle assez tristement sur un guéridon au milieu de l'appartement. La tante Julie tricote, la tante Catherine tricote, et Madame Irnois ma tricote aussi. Emelina est auprès du feu dans son fauteuil, les yeux fixés sur les charbons, et elle considère, probablement en y plaçant l'acte qui se joue lentement dans sa tête, le monde igné dont la flamme change à chaque instant les formes. L'inquiétude est à son comble. Tout le monde parle à la fois. Jeanne a servi longtemps de messager entre les terreurs du salon et celles de la cuisine. Mais les émotions sont trop vives. La cuisine monte au salon, et à entendre parler roi, empereur, maréchal, baron, duc, prison et mort, on se croirait dans une réunion politique. Enfin, un violent coup de sonnette se fait entendre. Le cri de « Oh !» très prolongé s'échappe de toutes les bouches. La cuisinière court ouvrir. Monsieur Irnois se précipite dans le salon, pâle, enfin non, blême, les yeux flamboyants et jurant contre toutes les divinités de l'Olympe, à part le Styx, qu'il ne peut nommer, ne le connaissant pas. Certes, depuis les jours où le bourgeois, le comte, le procureur, la dame philanthrope, ses anciens maîtres lui donnèrent son congé, il n'avait pas été plus démonstratif dans sa colère et dans son dépit. Mais aux emportements de son langage se mêlait un sentiment profond de frayeur qui n'échappa à aucun des témoins de cette scène émouvante. Bon, enfin, M. Irnois, ayant beaucoup juré, lança son chapeau à claque à la tête du secrétaire intime, s'assit brusquement devant le feu et ayant mis à la porte, par un dernier éclat de voix, tous les échappés de la cuisine, il commença à satisfaire la curiosité trop surexcitée de sa famille. « Mais enfin, mais au nom de tous les saints !» s'écriaient les trois femmes. « Dites-nous ce qui vous est arrivé !»« Ah, ah, je suis un homme perdu, ruiné par d'affreux scélérats !» s'écria M. Irnois. « Voilà ce qui m'est arrivé, mille noms d'un... Ah, mon Dieu, enfin, mais dans quelle affreuse position je suis ! Vous ne savez pas ce qui se passe ? Eh bien, voilà, donc j'entre dans les Tuileries. Une cohue, un bruit, une chaleur dont on ne se fait pas l'idée. J'étais pressée de voir l'empereur, pour savoir ce qu'il me voulait et m'en retourner. J'arrive dans un dernier salon. On m'avait ôté ma lettre des mains. Je ne sais qui, je ne sais comment. Enfin, j'étais ahurie. Un grand homme, tout brodé, avec des épaulettes et un grand ruban rouge en travers, me pousse par l'épaule, car ennuyé de tout ce fracas, je ne bougeais pas plus qu'un terme. Je ne voyais plus rien, et je me trouve nez à nez avec l'empereur. « Avec l'empereur !» répéta l'assistance, à l'exception d'Emelina, qui n'écoutait point. « Mais silence donc, bavardes infernales que vous êtes !» s'écria M. Irnois, en donnant un grand coup de pied dans les bûches, violence qui fit tressaillir, puis soupirer sa fille. « Mais silence donc !» Oui, oui, l'empereur !» Et il me dit, cet empereur, en me montrant du doigt, un homme placé derrière lui. « Préparez-vous à marier votre fille à monsieur le comte Cabarrot. Je le fais ambassadeur. » Ma foi, dans le premier moment, sans trop savoir ce que je disais, je m'écriais. « Donnez Emelina à ce... » Enfin bon, je n'allais pas plus loin, car l'empereur me jeta un regard. « Oh là là, quel regard !» Il me sembla que la terre s'enfonçait sous moi, que j'allais être emprisonnée, fusillée, égorgée, enfin massacrée. Je me trouvais près de m'évanouir, et il paraît même que je m'affaissais, car je fus soutenue dans les bras d'un misérable. Enfin, c'était le croiriez-vous, ce misérable auquel l'empereur veut que je donne Emelina, qui osait m'empêcher de tomber. Je le regardais d'une façon, comme l'empereur m'avait regardé. Mais cela ne lui produisit pas le même effet. Au contraire, il me fit une grimace en façon de sourire et me dit « Mon cher monsieur Hirnois, notre connaissance arrive un peu brusquement, mais n'en soyez pas moins sûr de mes respects. Nous avons des amis communs. » « Oh, je ne crois pas, lui répondis-je avec ce ton que vous me connaissez. Je n'ai pas d'amis. » Il ne fut pas étonné. Et il me dit en me saluant « J'irai présenter mes hommages respectueux à madame Hirnois demain, sans faute. Je serai sorti, m'écriai-je. L'empereur vous ordonne de rester chez vous, toutes les fois que je vous en avertirai, me répliqua-t-il en me regardant dans les yeux. Eh bien, j'eus peur et je m'en revins. Enfin, concevez-vous une pareille position ? Mais c'est monstrueux, s'écrièrent les femmes. Il vient demain, le monstre ? Demanda mademoiselle Julie. Demain, dit monsieur Hirnois. Eh bien, je suis d'avis, poursuivit la vieille fille, qu'on lui dise son fait en trois mots. Vous n'aurez pas Emelina, vous ne l'aurez pas. Ah, dame ! Enfin, mais sotte que vous êtes, hurla monsieur Hirnois. Il ira chercher la gendarmerie, et je serai traînée en prison. Mais aimez-vous mieux la mort d'Emelina, dit la mère ? Mais non, répondit monsieur Hirnois, mais quand je serai coffré, cela n'empêcherait pas le mariage. Mais alors que faire donc ? Dit mademoiselle Catherine. Oh, Emelina, dit la mère d'une voix pleine de larmes et en se mettant à genoux devant sa fille. Oh, Emelina, on veut te marier. Emelina, on veut t'emmener d'ici, mon cher amour. Réponds-moi, que veux-tu que je fasse ? Chapitre 4. Tout le monde fut consterné lorsque, à la question de sa mère, on vit Emelina soulever doucement la tête de côté et dire avec un sourire ineffable de douceur et des regards brillants. « Oui, maman, je veux bien m'en aller. »« Mais comment ? » dit monsieur Hirnois. « Tu veux bien t'en aller. Bah, mais qu'est-ce que cela signifie ? Tu veux nous quitter pour suivre ce cabaret que tu ne connais pas ?» « Si fait bien, répondit la pauvre fille en secouant la tête d'un air joyeux. « Si, je le connais, je veux m'en aller avec lui. » Chacun se regarda, mais plus on faisait d'efforts pour comprendre, et moins on y parvenait. Il ne semblait pas possible qu'Emelina, toujours enfermée dans la maison, ne sortant jamais, eût pu connaître l'époux que la volonté impériale imposait à ses parents. « Mais, dit madame Hirnois, mais où l'as-tu vu ? « Ah, ah, ah !» répondit Emelina fixement. Et puis elle s'arrêta, réfléchit et reprit. « Je ne veux pas le dire. Bon, »« Ne la contrariez pas, » dit la tante Julie. « Elle aura sans doute rêvé quelque chose, et demain vous la verrez plus raisonnable. Car elle est pleine d'esprit, cette petite Emelina. N'est-ce pas, mon bijou ? N'est-ce pas que tu seras demain plus raisonnable ?»« Je veux bien m'en aller avec lui, » reprit Emelina. « Quand est-ce que je partirai ?»« Ah, oh, mon Dieu !» dit madame Hirnois. « Mais élevez donc les enfants pour qu'ils soient aussi ingrats !» Cette petite, qui est adorée ici, et qui ne songe qu'à suivre le premier malotru. « Enfin, mais Emelina, vous nous faites beaucoup de peine !» Emelina resta fort insensible à cette plainte. Elle souriait, elle riait, elle frappait ses mains l'une contre l'autre. Elle était en proie à une agitation nerveuse, telle que jamais on ne lui en avait vu une pareille. Tout le monde autour d'elle était confondu. Monsieur Hirnois ne savait que penser, et il était tout prêt à lancer des volcans de jurons. Sans y avoir beaucoup songé, il se croyait sûr de l'éternel attachement de sa fille. Il avait construit sur la mauvaise santé de cet enfant tout un édifice d'espérance que le moment présent faisait crouler. La garder constamment auprès de lui avait été le bonheur sur lequel il avait le plus fermement compté. Ah, l'heure présente était bien cruelle. Il se promenait de long en large dans l'appartement, mais il ne disait rien. Oh, il était bien trop affecté pour pouvoir parler. Les deux tantes et la mère pleuraient à chaudes larmes. La jeune fille n'y faisait pas la moindre attention. Ce fut ainsi que la soirée finit dans une consternation profonde d'un côté, de l'autre dans une joie qui ne cherchait pas à se contenir. Jamais on n'avait entendu chanter Emelina. Quand Jeanne vint la prendre dans ses bras pour l'emmener coucher, on l'entendit gazouiller des notes confuses aussi gaies que l'oiseau puissant compter aux arbres des bois. À peine Emelina sortit, la bombe éclata. Monsieur Hirnois tomba dans un accès de colère et de désespoir qu'il ne chercha plus à contenir. Et les femmes, bien que faisant chorus avec lui, ne purent qu'esquiver une bonne partie de ses reproches. Il les accusa d'avoir reçu Cabarot en son absence, d'avoir souffert que Cabarot lui enleva l'affection de sa fille, d'avoir, par sottise féminine, monté la tête à une enfant innocente. Il les accusa, bref, de son mieux, et elles se défendirent autant qu'elles purent. Au fond, elles se croyaient ensorcelées, comme aussi leur nièce et fille, car jamais de leur vie, elles n'avaient aperçu l'ombre d'un homme qui s'appela Cabarot. Et 2 heures auparavant, elles auraient encore juré qu'Emelina ne le connaissait pas plus qu'elle. Mais maintenant, elles ne savaient plus à quoi s'arrêter. C'était donc une désolation générale mêlée de curiosité. Car enfin, il devait bien y avoir un mot à l'énigme, et le temps certes le ferait connaître. Le lendemain, à midi, le secrétaire intime, remplissant les fonctions d'introducteur, annonça dans le salon qu'un monsieur demandait à voir Madame Hirnois. « Et comment s'appelle-t-il, ton monsieur ?»« Il dit qu'il s'appelle le comte Cabarot. »« Ah ! Grand Dieu du ciel !» s'écria toute l'assemblée. « Monsieur Hirnois, faites entrer ce monsieur !» Monsieur Hirnois alla en rechignant, mais poussé par la sainte terreur de l'autorité impériale au-devant de son futur gendre. Il le trouva dans l'antichambre, se débarrassant de son carrick. Le comte Cabarot avait fait une toilette de fiancée. Il avait pensé que la parure la plus soignée semblerait à la famille dans laquelle il s'introduisait une preuve d'égard. Comme il les savait fort bourgeois, il avait aussi étalé ses ordres et ses croix sur sa poitrine dans le but de les éblouir quelque peu. « Ma façon de m'introduire auprès de leur fille, s'était-il dit, est un peu vive. Maintenant que nous sommes entrés au moyen d'un coup d'éclat, c'est d'une bonne politique que d'atténuer l'effet produit par des procédés convenables. » Il mit tout à la fois en œuvre ce système de conduite aussitôt que la longue figure de M. Hirnois se présenta à lui. Le train du corps penché en avant, la tête jetée en arrière, les yeux, les joues, la bouche, tout souriant, les deux mains affectueusement tendues. « Eh, bonjour donc, monsieur !» s'écria-t-il. « Permettez-moi l'indiscrétion de venir vous troubler si vite. Je n'ai fait que vous entrevoir hier au château, et je l'avoue, j'avais le désir le plus vif de vous serrer la main. Voulez-vous bien me conduire auprès de votre charmante famille ? Je brûle de lui être présenté. Monsieur, dit l'ancien fournisseur, vous pouvez me suivre si vous voulez. Madame Hirnois et vous, mesdemoiselles Maigrelues, voilà le comte Cabarot dont l'empereur m'a parlé. Le conseiller d'État salua plus bas qu'il n'avait fait pour le maître du logis et en agitant sa main droite d'une manière tout à fait galante et respectueuse. Quand il releva les yeux, il chercha à deviner laquelle de ces trois personnes était la proie qu'il convoitait. Mais il comprit bientôt que la tante Julie, la plus jeune des trois sœurs, n'avait pas un profil de 16 ans. Il se résolut à patienter, puis il engagea l'entretien. « Mon Dieu, mesdames, dit-il d'une voix doucereuse, vous voyez en moi un homme tout rond, tout d'une pièce, qui vous demande la permission d'être à son aise au milieu d'une famille qu'il estime. » Sa Majesté l'Empereur, dont la sagesse et la haute bonté égalent la puissance, a daigné penser que je pourrais, par ma position, mon caractère, mes principes, assurer le bonheur de mademoiselle votre fille, qui par son esprit et par ses grâces est digne de tout respect. Ne pensez-vous pas que cette auguste approbation, en me comblant de reconnaissance, vous donne en même temps des garanties certaines de ce que je suis ? Non, l'empereur, notre glorieux maître, ne voudrait pas sacrifier le bonheur d'une personne aussi intéressante que mademoiselle Irnois. Veuillez me considérer, madame, comme un fils respectueux et dévoué. Et bien que notre connaissance soit un peu nouvelle, agissez-en avec moi comme vous feriez envers un ancien serviteur. Voilà, se dit-il en lui-même, après avoir débité ce discours, ce qui ne peut manquer de plaire à ses pleutres. Je leur mets la bride sur le cou. Nous allons devenir compères et compagnons. Quelques seigneurs de la cour impériale avaient une très forte tendance à se poser en très véritable mania devant les autres classes de la nation. Madame Irnois salua légèrement le comte et lui répondit « Vous êtes bien bon, mais je ne désirais pas marier ma fille. »« Ah, oh, mon Dieu, mais pourquoi donc, chère madame ? Elle a 16 ans. Elle doit avoir 16 ans. N'est-ce pas l'âge où le cœur commence à... Enfin, mais vous ignorez peut-être dans quel état de santé est notre Emelina ? Bon, j'ai ouï dire, en effet, que vous aviez conçu quelques inquiétudes sur sa poitrine, continua Cabarot de l'air doucereux qui, pensait-il, réussissait si bien. Oh, sans doute une croissance hâtive, le développement précoce de l'intelligence. Il ne faut pas trop vous inquiéter, chère et bonne dame. Vous ne devez pas douter du soin avec lequel je soignerai cette belle fleur. » Toute la famille regardait le comte d'un air effaré. Évidemment, il ne connaissait pas Emelina. Il ne l'avait ni vue ni entendue, et c'était la vérité. Cabarot avait bien su que, de par le monde, il existait un Richard nommé Irnois, et que ce Richard avait une fille. Mais il s'en était tenu à ce renseignement, et il ne s'était nullement enquis du caractère, de la santé, de la beauté que pouvait avoir la femme dont il convoitait la dot. Mais alors, comment Emelina pouvait-elle être tombée amoureuse folle d'un homme qui parlait si aveuglément de sa croissance trop hâtive et du développement précoce de son intelligence? Voilà ce que M. Irnois et les trois femmes se demandaient avidement des yeux. « Monsieur, reprit Madame Irnois, vous n'êtes pas, je crois, bien informé de ce qui touche notre pauvre enfant. Elle est contrefaite, je dois vous le dire. »« Oh, madame, quel blasphème proférez-vous là ? » s'écria Cabarot, qui vit se peindre dans son imagination le profil d'une bosse. « Oh, je suis bien certain que vous exagérez quelques légers défauts tout à fait insignifiants. D'ailleurs, serait-il vrai que mademoiselle, votre fille, pût manquer absolument de beauté, que sont les fragiles avantages des charmes physiques dans la vie de ménage ? Ses grâces et son esprit... Oui, enfin, sans doute, dit Monsieur Irnois, mais elle ne dit jamais mot. Oh, les vertus dont elle est douée, reprit le comte Cabarot, avec un redoublement d'enthousiasme. Oui, oui, ses vertus, voilà ce qui m'attache à elle. Croyez-moi, je n'ai jamais ambitionné qu'une épouse vertueuse et sage. Mais ne pourrais-je voir la belle et touchante Emelina ? Ne me sera-t-il pas permis de déposer à ses pieds même l'hommage de mon cœur ? Oh, vous comprenez mon impatience et... Oh, une crainte subite vint serrer le cœur de Madame Irnois. Je vous avertirai d'une chose, dit-elle. Et de laquelle ? S'écria le comte, prêt à souscrire à tout, à ne se laisser arrêter par aucune difficulté, à accepter toutes les conditions, au moins provisoirement. Je vous prie de remarquer que ma fille est une enfant et qu'il ne faut pas supposer mal des manières qu'elle pourra avoir avec vous. Elle sera peut-être un peu plus affectueuse qu'il n'est d'usage. Oh, peste, songea Cabarot, il paraît que c'est une égrillarde. Bon, on y veillera. Et il ajouta tout haut. « Caractère franc et sans façon, c'est un gage de bonheur à ajouter à tant d'autres. »« Je vous avertis, poursuivit Madame Irnois, qu'elle est prévenue en votre faveur, et cela je ne sais comment, car elle ne sort jamais, et je ne sache pas qu'elle vous ait déjà vue. »« C'est un effet de la sympathie, s'écria Cabarot en riant. mais encore ne pourrais-je la voir. Nous causerons de tout cela fort à loisir. Je brûle de lui être présentée. Catherine, dit Madame Irnois, va, je te prie, dire à Jeanne de la porter. Ce mot, la porter, donna un frisson au comte Cabarrot. Il pensa qu'on venait de lui parler de difformité. Et il se figura les choses au pire. De quelque philosophie qu'il fût doué, il eut un moment d'hésitation. Il fut sur le point de se poser lui-même son mariage comme une question et d'admettre des causes de rupture. Bon, heureusement, cette crise ne dura pas. Il se rappela sur le champ qu'une auguste volonté avait été compromise par lui dans cette affaire et que reculer, c'était en quelque façon faire mépris des bienfaits du maître. Que d'ailleurs, il épousait fort peu la fille et beaucoup la dot. Qu'avec une fortune comme celle dont il aurait la jouissance, il aurait la pleine liberté de loger sa femme aussi loin de lui qu'il voudrait, et même de la reléguer à la campagne si le séjour dans un même hôtel venait à lui déplaire. Le comte Cabarrot avait à peu près terminé les réflexions que l'on vient de voir plus haut, quand la porte s'ouvrit et la tante Catherine reparut. « Voici Emmelina, dit-elle en reprenant sa chaise et son tricot. En effet, derrière elle entra Jeanne, portant la jeune fille dans ses bras. Ce fut une scène singulière. Au moment où l'on vit la vieille domestique et son vivant fardeau, la pauvre malade parut rouge comme une cerise, les yeux pleins d'une ivresse angélique, belle, très belle, tant elle avait d'émotion et d'amour répandu dans tous ses traits. Madame Irnois avait bien fait de prévenir le comte, car le premier mot d'Emilina fut de s'écrier « Ah, mais où est-il? Où est-il ?» Et elle étendait ses deux bras, et elle se penchait en avant avec une passion indicible. « Vrai Dieu !» se dit le comte de Cabarrot, « mais elle est horrible, cette malheureuse éclopée, et furieusement vive !» Et comme il avait bien réfléchi, ainsi qu'on l'a vu, et qu'il s'était cuirassé contre les dégoûts probables de l'aventure, il se précipita bravement au-devant de sa fiancée et voulut lui prendre les mains pour les baiser avec autant de feu qu'il en était capable. Mais Emmelina ne le regarda seulement pas et, retirant ses mains comme on fait à un inopportun, elle s'écria « Mais où est-il donc ?»« Mais enfin devant toi, dit sa mère. « Voilà Monsieur Cabarrot avec qui tu veux t'en aller. » Emmelina se jeta en arrière dans les bras de Jeanne en poussant un cri d'horreur et d'effroi. « Mais je ne le connais pas, dit-elle en pleurant. Ce n'est pas lui, Jeanne, mais ce n'est pas lui. » Et elle se mit à sangloter. Son père la prit dans ses bras, elle le repoussa. « Laissez-moi, dit-elle. » On la plaça dans son fauteuil et elle continua à pleurer sans vouloir lever la tête ni regarder son fiancé qui maintenait toujours avec soin sur ses lèvres son sourire courtois et soumis. Au fond du cœur, le comte Cabarrot était impatienté outre mesure. Enfin, « Quoi, pensait-il, ce n'est pas assez d'avoir une femme bâtie comme celle que voilà. Il faut qu'outre toutes ses difformités, je lui découvre encore une affection pour quelque fin. Oh, j'aurais bien affaire avec cette petite personne si je veux lui redresser l'entendement. Enfin, mais patience, patience, j'en viendrai à bout. » Le salon de Madame Irnois était cependant une vraie tour de Babel. On ne savait plus qui devenir. Après quelques sanglots et après s'être tordu les mains, Emmelina, le visage noyé de larmes abondantes, était devenue pâle, pâle comme la mort. Ses yeux s'étaient subitement ternis. Elle était tombée à la renverse dans le fauteuil et s'était évanouie. « Ah ! Voilà ma fille qui se meurt !» s'écria Madame Irnois. « Mille tonnerres !» hurla le fournisseur. Les deux tantes imitèrent les parents en accourant avec précipitation autour de la malade. Cabarrot ne fut pas moins leste. Cette scène douloureuse rentrait pour lui dans les choses prévues. Il ne s'était pas attendu à en être quitte, à moins, car il avait trop d'esprit pour supposer que l'affaire de son mariage, déterminée si brusquement par une volonté d'en haut, se pourrait conclure sans quelque récrit du côté de l'indépendance violentée. Il offrit alors gracieusement son flacon pour faire revenir à elle son adorable Emmelina, comme il lui plut de s'exprimer. Mais le flacon n'y faisait rien, et Emmelina restait sans connaissance. « Mon Dieu !» dit Madame Irnois en levant les épaules et en regardant Cabarrot en face. « Tout ce monde qui est là autour d'elle lui fait plus de mal que de bien. » Cabarrot ne crut pas devoir jouer la sourde oreille. Il pensa en avoir fait assez pour un premier jour. « Ah, madame !» s'écria-t-il d'un ton soumis, « que je suis malheureux de ne pouvoir encore revendiquer un droit à prodiguer ici mes soins. Mais je comprends du moins vos inquiétudes maternelles et je me retire. » « Adieu, madame. Adieu, mesdemoiselles. À demain. Recevez mes profonds respects. » Il saisit la main de Madame Irnois et la baisa avec effusion. Il fit la même faveur aux mains sèches et tannées des deux vieilles filles. Il glissa un napoléon dans les doigts de Jeanne. Puis, se retournant, il prit Monsieur Irnois par le bras et l'entraîna avec lui vers la porte. Bien lui prit de le tenir ferme, car s'il n'eût dépendu que de sa volonté, le futur beau-père n'aurait pas suivi son futur gendre. « Que me voulez-vous ? » dit M. Irnois, arrivé dans l'antichambre à la remorque. « Ne voyez-vous pas qu'il faut soigner ma fille ?» M. Cabarrot prit un ton mitoyen entre la débonnaireté et la raideur impérieuse. « Mon cher monsieur, j'ai vu mademoiselle votre fille et elle me convient sous tous les rapports. J'obéirai très aisément à l'empereur. À quand fixons-nous la signature du contrat ? « Enfin, diable, vous allez vite !»« Ah, c'est mon usage. Et d'ailleurs, l'empereur le veut. »« Mais enfin, l'empereur ne sait pas que ma fille est malade ?»« Nous la soignerons. Il faut en finir. L'empereur n'aime pas les résolutions qui traînent. »« Mais si Emelina ne veut pas de vous ?»« Mais ce sont là des caprices de jeune fille auxquels des hommes sages, tels que vous et moi, ne doivent pas s'arrêter. »« Comme père, il doit vous suffire d'avoir une confiance entière dans ma probité. » Mais enfin, je ne vous connais pas. Et comme sujet, reprit Cabarrot d'une voix haute et grave, vous devez obéissance à l'empereur. Irnois sentit passer dans ses membres un frisson d'épouvante. Il se trouva si fort à la discrétion de Cabarrot qu'il fut sur le point de tomber à ses pieds et de lui demander pardon. Eh bien, à quand le contrat ? Reprit l'impassible épouseur. Quand vous voudrez. « Je vais donc passer sur le champ chez mon notaire et lui donner ordre de s'entendre avec le vôtre. Nous serons aisément d'accord. Vous n'avez pas d'autre héritier que la future comtesse Cabarrot. Mais c'est très bien. Adieu donc et à demain. »« Je voudrais, s'écria Irnois, quand le conseiller d'État ne fut plus à portée de l'entendre, que tous les diables pussent le tordre le cou dans la nuit. » Chapitre 5. La pauvre Emelina demanda aussitôt, après le départ du comte, à rentrer dans sa chambre, et toute sa famille était vraiment trop affectée et étonnée pour avoir la force de contrarier, même par une simple observation, les volontés de celle qui produisait sur tous ses entours à peu près l'effet touchant d'une martyre. L'évanouissement s'était dissipé comme tout se dissipe, mais en laissant à la jeune fille une torpeur physique et une sorte de désolation dont on pouvait aisément se rendre compte en la regardant. Elle était beaucoup plus pâle que d'ordinaire, et ses yeux avaient perdu l'éclat particulier dont tout le monde avait été surpris autour d'elle depuis quelque temps. Évidemment, à l'exaltation avait succédé l'abattement, au délire d'une espérance inconnue, un désespoir dont il était impossible de concevoir la cause. On n'y comprenait rien, et pour tout dire, ce fut presque avec satisfaction que Madame Irnois et ses sœurs virent s'éloigner l'objet de toute leur tendresse. Car en sa présence, on ne pouvait qu'accumuler des questions qui restaient sans réponse, et en son absence, du moins, on avait toute liberté d'épuiser les différentes séries de commentaires et de suppositions dont les imaginations féminines ne sont jamais privées. C'était peu de choses, sans doute, pour arriver à la découverte de la vérité. Mais c'était beaucoup pour se consoler d'un mal que l'on croyait irrémédiable, puisqu'on en ignorait la source et qu'on ne prévoyait pas même pouvoir la découvrir. Avec tout autre qu'Emelina, disait la mère désespérée, il y aurait un moyen quelconque d'obtenir des confidences. Mais cette petite est tellement taciturne que jamais on ne parviendra à la faire parler. Et cependant, mais comment se résoudre à ignorer pourquoi elle était si joyeuse depuis quelque temps ? Pourquoi l'idée d'épouser le comte a paru d'abord lui faire si grand plaisir ? Et enfin pourquoi, lorsqu'elle a vu ce même prétendu qu'elle attendait avec tant d'impatience, elle est tombée dans un tel chagrin et n'a seulement pas voulu le regarder ? Oh là là, a-t-on jamais imaginé des parents plus malheureux que nous? Pour moi, je ne crois pas qu'il en existe. Et si j'avais pu prévoir que ma propre fille manquerait à ce point de confiance envers moi, mais j'aurais maudit mille fois déjà le jour où elle est née. Enfin, ne dites pas de sottises, s'écria M. Irnois, qui rentrait dans la salle à la fin de cette tirade. Cette petite me paraît assez désolée, sans qu'il soit besoin de l'accabler d'injures. Oh, je voudrais pour tout au monde n'avoir pas fait fortune et que l'empereur n'eût jamais entendu parler de moi. Je ne serais pas forcée de donner mes écus à ce monsieur Cabarrot. Tandis que père, mère et tante se désolent à loisir et se chamaillent entre eux, suivons Emmelina dans sa chambre. À peine y est-elle arrivée, à peine s'est-elle placée dans son fauteuil dans l'angle ordinaire de la fenêtre, qu'elle renvoie Jeanne, et lorsqu'elle se retrouve seule, bien seule, elle ouvre les battants de cette croisée que presque toujours on laissait fermée. Ses yeux glissent un regard vide dans l'intervalle, et à mesure qu'elle contemple un point sur lequel semblent fixer toutes les forces de son âme, la rougeur reparaît sur ses joues, le feu, l'animation dans ses prunelles, le sourire sur ses lèvres, l'existence, enfin la vie dans tout son être. La malheureuse fille ne semble plus vivre de sa vie ordinaire. Il semble à la voir qu'elle soit en quelque sorte transfigurée. C'est bien la même personne si l'on veut, mais ce n'est plus le même individu. C'est bien Emmelina, mais ce n'est plus Emmelina, boiteuse, bossue, contrefaite, disgraciée par la nature. Non. Emmelina au cerveau faible, ignorante, apathique. Non, non. Ce n'est plus même un corps, si l'on veut bien me permettre de poursuivre aussi loin que possible l'image de ce qu'elle me produit à moi l'auteur, à moi qui la vois. Elle ressemble à ces chérubins dont parlent les écrivains mystiques de l'Église, qui sont tout amour, toute passion, et pour cette cause, on ne représente qu'avec une tête entourée d'ailes de flammes. Telle apparaît Emmelina. En fait, c'est un visage de chérubin enflammé de tendresse. Oui, oui, de tendresse. Et puisque nous sommes seuls avec elle dans sa chambre, c'est le moment de savoir tout ce qui se passe en elle depuis quelques semaines. Comme il a été dit au commencement de cette histoire, la maison de M. Irnois, située dans une des ruelles du quartier des Lombards, donnait, quant aux chambres à coucher, sur une cour assez sombre. Cette cour était, comme on le pense bien, carrée et entourée des trois autres côtés de bâtiments fort élevés et percés de fenêtres, comme était aussi la face dans laquelle s'enterrait le logis du modeste millionnaire. Au cinquième étage, vis-à-vis les deux fenêtres de la chambre à coucher d'Emmelina, et par conséquent trois étages au-dessus d'elle, était une mansarde de fort méchant aspect placée juste à la naissance du toit, qui n'était pas faite pour attirer longtemps le regard. Mais à cette triste fenêtre travaillait tout le jour un jeune ouvrier tourneur. Ah, on commence, j'imagine, à entrevoir où nous allons en venir. Et en vérité, ce jeune ouvrier était remarquablement joli. À peine devait-il avoir 18 ans, des cheveux blonds bouclés naturellement, une physionomie de fillette, et d'autant plus qu'il prenait très bien l'air fort timide et réservé lorsque, par hasard, il venait quelqu'un dans sa mansarde pour lui parler, pour lui faire quelques commandes, par exemple. D'ailleurs, le petit ouvrier était joyeux comme un pinson, chantait tout le jour à gorge déployée, et passait même quelques instants, quelques quarts d'heure de sa journée, assis sur le rebord de sa fenêtre, à manger son déjeuner ou son dîner, en regardant chez les voisins. C'était moins un garçon qu'un vrai moineau, tant il était haut, niché, gai, chantant, agile et remuant. Et voilà donc la cause des émotions d'Emmelina. Il s'était passé naturellement bien du temps avant que la fille de M. Irnois eût levé ses yeux nonchalants jusqu'à la mansarde du cinquième, et lorsqu'elle l'avait fait pour la première fois, elle n'avait eu certes aucun pressentiment de ce qui allait devenir cher à son cœur. Cette pauvre nature stagnante n'avait pas assez de force en elle-même pour rêver, ni pour désirer. Une passion vive ne pouvait commencer pour elle à l'instant, sur le coup. Les passions de ce genre n'appartiennent qu'aux êtres vivaces qui sont toujours pressés par instinct de se mettre en action. Emmelina n'était pas tant s'en fallait de ces êtres-là. Mais sur les âmes qui ne sont que faibles et qui ne sont pas gâtées, il est plusieurs choses qui n'emploient jamais vainement leur puissance, la gaieté, la jeunesse et la beauté. Quand Emmelina, dans ses longues heures d'oisiveté, eut contemplé quelquefois son jeune voisin, elle trouva à ce spectacle d'un être si différent de ce qu'elle était elle-même une sorte de satisfaction qui, dans cette nature incomplète, se manifesta par un bien-être inanalysé. Du moment qu'elle éprouva quelque plaisir à contempler le voisin, celui devint un but, une préoccupation constante, une nouveauté exquise. Car jamais encore elle n'avait joui de ce bien, de s'attacher à quelque chose. Sa mère, son père, ses tantes, sa bonne, son ourlet et son chat beauté, bon, ne constituaient pas dans son existence des accidents causés par elle-même, et ne lui produisaient pas plus d'impression que l'air qu'elle respirait. Mais pour sa nouvelle connaissance, ce fut tout différent. Elle l'avait en quelque sorte créé, imaginé elle-même. Personne n'était intervenu dans le plaisir qu'elle se forgeait, et elle trouva bientôt une jouissance infiniment délicate, la plus grande qu'elle eût jamais goûtée, à regarder ce petit jeune homme. Emmelina n'agissait jamais par volonté réfléchie. Toutes ses actions étaient comme celles des êtres guidés par la raison moins que par l'instinct, des résultats d'une impression embrumée dont jamais elle n'eût su donner la cause ni aux autres ni à elle-même. Aussi ne fût-ce ni par dissimulation ni par crainte qu'elle s'appliqua dès les premiers moments à se cacher à tout ce qui l'entourait. Lorsque Jeanne ou quelque autre personne était auprès d'elle, elle ne soulevait pas les rideaux ordinairement fermés de sa fenêtre. Et en cela, elle poussait la précaution bien loin, car jamais on ne se fût imaginé, même l'eût-on vu tout le jour regardant vers la mansarde, qu'elle attachait l'intérêt le moindre à l'individu du jeune ouvrier. Eh bien, c'est pourtant ce qui avait fini par arriver. Le développement physique d'Emmelina avait été précoce, plus qu'il ne l'est d'ordinaire dans nos climats. Ce fait n'est pas rare chez les personnes que la nature a d'ailleurs maltraitées. Il était difficile qu'un je ne sais quoi plus tendre ne se mêlât pas bientôt à la curiosité qui attirait les regards de Mademoiselle Irnois du côté de la joyeuse mansarde. Avoir les yeux fixés sur cette benoîte croisée lui devint enfin un besoin impérieux, et ce fut alors qu'elle commença à vouloir rester seule dans sa chambre. Au premier jour de sa contemplation mystérieuse, elle n'avait voulu confier son plaisir, tout petit qu'il fût, à personne. Au jour de sa joie, de son ivresse, de son bonheur, le mystère fut commandé plus impérieusement encore par le vœu secret de son âme. Il lui devint si nécessaire, le contraire lui parut si odieux, si mortel pour le sentiment qui l'animait, que son caractère prit une allure nouvelle. Ce fut à ce moment qu'elle eut ces accès de volonté dont chacun s'étonna et qu'elle habitua parents et domestiques à ne pas entrer chez elle avant d'avoir prévenu par un coup frappé à la porte. Alors, avertie, elle se rejetait en arrière dans son fauteuil, poussait la croisée et recevait le visiteur, bien ou mal, suivant sa disposition du moment. Plus souvent mal que bien, car on la troublait. Enfin bref, elle vivait pour la première fois. Ce grand mystère dont elle entourait sa passion montre bien qu'il y entrait quelque chose d'essence. L'âme a sa pudeur, sans doute. Mais cette pudeur-là n'est chez les amoureux qu'un reflet des flammes qui brûlent ailleurs dans leur être. Un jour, Emmelina reçut une impression bien inattendue et bien singulièrement obscure d'un événement qui paraîtra fort naturel. Il commençait à se faire tard. C'était vers 8 heures du soir, en été, et l'on sait qu'à ce moment, bien que la clarté du ciel soit encore assez vive, le cristal des airs commence pourtant à se mélanger de quelques teintes plus ternes. La journée avait été chaude et tout le jour, Emmelina avait vu son tourneur, la figure échauffée par le travail, les cheveux en désordre et sa chemise entr'ouverte, sans cravate, livrant sa blanche poitrine aux souffles d'air qui peuvent s'égarer au-dessus des toits de Paris. À ce moment, le jeune homme était assis sur le rebord de sa fenêtre, jambes de ci, jambes de là, occupé à brosser avec une délicate attention sa casquette de dimanche. Tout à coup, à un signe de tête, accompagné d'un sourire, qu'il adressa au fond de sa chambre, Emelina put comprendre que quelqu'un entrait, quelqu'un d'ami en vérité, car l'ouvrier ne se dérangea pas autrement. Au contraire, il se mit à brosser sa casquette avec plus d'entrain qu'auparavant, et même quand la casquette eut atteint son plus haut degré de lustre, il attira à lui un habit qui sans doute était posé sur une chaise dans l'intérieur de la chambre et fit subir à cet ornement futur de son corps la même opération dont il venait de faire les frais pour l'ornement de sa tête. Ces menus détails ne sont rien pour le lecteur et pas davantage pour l'auteur de ce récit, on peut le croire. Mais il faisait toute la vie d'Emelina. L'ouvrier en était peut-être à son 10e coup de brosse sur la manche de son habit et au mouvement de ses lèvres, on voyait qu'il causait et riait avec la personne qui était entrée dans la chambre, quand cette personne apparut à son tour aux yeux d'Emelina. C'était une jeune fille assez jolie, une grisette. Elle était gentiment attournée comme pour une partie de plaisir. Son bonnet étalait une magnificence luxuriante de rubans roses, dont la teinte assez vive luttait sans désavantage avec la couleur relevée de ses joues. Cette bonne fille riait du meilleur rire, ce qui peut donner à croire également que la conversation avec l'ouvrier était fort plaisante, dans le sens que les modernes donnent à ce mot, ou fort plaisante dans la signification plus gracieuse que lui prêtaient nos aïeux. La grisette tenait à la main un pot de giroflée et le posa en cérémonie sur le bord de la fenêtre. Puis elle rentra dans l'intérieur de la chambre et revint avec un vase plein d'eau dont elle arrosa largement les pétales bruns et jaunes de l'odorante fleurette, tandis que les gouttes tombaient en pluie sur le mur. Et quand c'en fut fini avec les fleurs, l'ouvrier prit la tête de sa jolie connaissance et l'embrassa sur les deux joues sans qu'elle se défendît beaucoup. Emelina voyait tout. Elle n'eut pas de jalousie, non, non, ce ne fut pas un sentiment jaloux qu'elle éprouva. Son orgueil, sa colère ne s'allumèrent pas contre la grisette ni contre le jeune homme. Elle ne sentit pas de haine. Elle n'eut pas l'amertume cruelle d'un amour qui se croit méconnu ou trahi. Mais une tristesse profonde, mêlée d'un mystérieux redoublement de curiosité, envahit tout son être. Dans ce baiser si joyeusement donné et reçu, il y eut pour elle tout un monde de secrets dont il fut impossible à son innocence et à son imagination privée d'elle, hélas, de découvrir le mot. Le voile qui lui cachait ce qu'elle aurait voulu savoir s'agita, mais ne se déchira pas, et elle pleura longtemps, tout le reste de la soirée, sans savoir pourquoi elle pleurait. Du reste, elle avait conçu si peu d'humeur et était même si peu portée de mauvaise volonté contre la grisette qu'en ouvrant sa fenêtre le lendemain, elle désirait vaguement la revoir. Il y a un conte de La Fontaine dont je suis quasiment fâchée d'introduire le titre jovial dans cette pudique et un peu mélancolique histoire. Mais il rend si bien, si justement, ce que je veux expliquer, quoique dans un sens différent sans doute, que je n'ai pas le courage de me priver de son secours. Comment l'esprit vient aux filles ? Beaucoup de filles ont l'esprit allègre avant que l'amour soit accouru pour lui délier les jambes. Emelina, comme on sait, la pauvre enfant, n'était pas de ce nombre, et même l'amour ne pouvait pas se vanter de lui donner de l'esprit. Il ne lui apprit ni la ruse ni la réflexion, mais il lui découvrit, comme nous l'avons vu, le secret d'avoir une volonté, celui de désirer quelque chose, celui de trouver en elle-même un ardent plaisir. Non, ce ne fut pas de l'esprit que l'amour lui donna. Le cadeau de Dieu fut-il meilleur ? Fut-il pire ? Je laisse ce point à décider aux philosophes et aux femmes. Il lui donna une âme. Elle n'en avait point auparavant. Ou, si l'on veut absolument me contredire, l'âme dont l'avait gratifiée la nature à sa naissance était si pesante, si engourdie, si bien liée dans les nœuds misérables d'une conformation imparfaite, que c'était tout comme si elle n'eût pas existé. Maintenant qu'Emelina aimait, cette âme avait reçu le feu de vie, et s'était non pas dressée debout, car il semblait que dans ce corps tortueux, la voûte fût trop surbaissée pour que l'âme pût s'y développer à son aise. Mais elle s'était, en se repliant sur elle-même, donné une énergie et une ardeur tout extatique dont la puissance eût vraiment effrayé tous ceux qui auraient pu la contempler. Enfin, je veux dire la comprendre. Et Mélina, encore une fois, j'y insiste parce que ce point est essentiel, pour que l'histoire de Mademoiselle Irnois soit bien comprise. Et Mélina ne cherchait en aucune façon à se rendre compte du comment et du pourquoi de ce qui se passait en elle. Elle ne savait même pas le nom du sentiment qui possédait son être tout entier d'une manière aussi étrange. Bon, faut-il pousser l'aveu jusqu'à l'extrême ? Avant le jour où elle avait pour la première fois contemplé avec un bonheur vraiment épanoui le jeune homme à sa fenêtre, elle n'avait eu aucune vie morale, elle était presque idiote. Et à dater de ce moment, elle était devenue une sorte d'extatique. Aussi indifférente qu'autrefois au reste des événements de la vie, elle existait dans le coin de passion qui s'était ouvert pour elle. Elle ne souhaitait rien, ne prévoyait rien. Elle aimait comme un chien aime son maître, sans passé, sans avenir, sans exigence, sans gaieté même à vrai dire, car la puissante sensation par laquelle son être était dominé ne saurait avoir pour nom un des mouvements, un des états ordinaires de l'âme. Elle n'était pas heureuse. Si je l'ai dit, je me suis trompée. Elle était plus qu'heureuse. Elle était vivante. Eh bien, vivante, oui, mais dans son amour seulement, car de tout autre côté, plus morte que jamais. Voilà dans quelle situation se trouvait Emelina le soir où elle accepta, avec un bonheur si vif, l'idée de quitter sa famille pour suivre le comte Cabarrot, singularité qui excita tant de surprises. Chapitre 6. Ainsi possédée par cette passion si fervente et d'un caractère presque mystique, Emelina, plus que jamais, ignora ce qui se passait autour d'elle. Et à cette remarque faite dans le chapitre précédent, que son intelligence ne s'accrut nullement en raison du progrès de l'exaltation de son âme, je pourrais ajouter qu'elle devint encore plus nulle que par le passé sur tous les points qui tiennent à l'existence ordinaire. Ainsi, autrefois, dans son fauteuil, sur le sein de sa mère, dans les bras de Jeanne, elle prenait quelquefois part à la vie de tous. Un incident réussissait à la frapper. Bon, il arrivait rarement, sans doute, mais enfin, il arrivait quelquefois qu'un mot l'attachait, et alors elle souriait ou donnait une marque quelconque de plaisir. Du moment qu'elle fut amoureuse, cette faible part à l'existence commune lui fut aussi retirée. Elle devint comme les gens dont parle l'Évangile qui ont des oreilles et des yeux, mais qui ne voient ni n'entendent. Monsieur Irnois et le reste de l'aéropage traitaient cela d'indifférence croissante. Les dignes bourgeois se trompaient. C'était impuissance. L'amour avait fait pour cette nature embrumée tout ce qu'il avait pu. Il s'en était emparé, il l'avait absorbé, il l'avait introduit dans son univers et l'avait absolument détaché de tout ce qui n'était pas lui. Pour Emelina, l'univers entier, c'était l'espace qui s'étendait de son fauteuil à la fenêtre de l'artisan, distance immense qu'en un élan passionné, son désir franchissait 10 fois le jour, mais que sa volonté ne songeait pas, ne pouvait pas songer à détruire par les moyens matériels dont son pauvre esprit ne suffisait pas à lui révéler l'existence. Quand on lui proposa de quitter la maison paternelle et d'aller vivre ailleurs avec un être différent de tous ceux qui l'entouraient, elle ne fit pas réflexion que cet être pouvait être différent aussi de celui dont elle était possédée. Et comment aurait-elle pu imaginer cela ? J'ai dit que c'était son univers. N'est-il pas évident que la création pour elle ne comptait qu'une seule personne ? Les paroles de sa mère firent éclater dans son âme un cantique de béatitude, de bonheur infini. Elle ne supposa pas même qu'il lui fût possible, matériellement possible, de changer d'existence sans commencer une autre vie qui eût pour but unique, eh bien l'artisan. Lui faire comprendre le contraire, si l'on eût essayé, aurait été à ce moment impossible. Oh oui, impossible. Et comment faire concevoir à cette folle qui n'avait qu'un flambeau mystique qu'elle était la fille d'un millionnaire, qu'un conseiller d'État recherchait sa main et que le chef d'un grand empire disposait d'elle pour récompenser des services politiques et qu'il lui fallait se préparer à devenir une grande dame. Oh, on aurait pu tenter cette explication, mais elle n'aurait eu d'autre succès que de frapper l'oreille inattentive d'Emelina par un déluge de paroles aussi peu comprises les unes que les autres. Il ne fallait, pour faire entrer la réalité dans cette tête barricadée, rien moins que le contact du fait lui-même. Il fallait que le comte Cabarrot parût en personne. Et c'est ce qui avait eu lieu. On a vu ce qui en advint. L'illusion d'Emelina, brutalement heurtée, rendit comme un vase d'airain un son strident et plaintif dont la vibration était effrayante. Mais enfin ce son, si longtemps qu'il se prolongea, finit par cesser. Les plaintes, les larmes s'arrêtèrent, l'oubli vint avec la disparition de l'objet qui avait causé la douleur, et obstinément, Emelina retomba dans son illusion. Quand elle se retrouva à sa croisée, qu'elle eut tiré le rideau, ouvert le vitrage, et qu'à 20 pas d'elle, l'être aimé courbé sur son établi lui apparut, elle perdit la pensée de Cabarrot, et du reste aussi complètement que si elle ne l'eût jamais eue. Tout son bonheur lui revint avec les flammes accoutumées, et avec le même abandon, la même confiance, la même extase que la veille, elle se laissa aller à cette contemplation qui gonflait de vie sa pauvre poitrine et usait par son ardeur le peu d'existence que le sort avait départi à cette organisation maltraitée. On est peut-être curieux de savoir si une passion aussi véhémente, aussi belle, avait produit quelque effet sur l'être qui en était l'objet. Bon, d'ordinaire, ce me semble, le lecteur d'une histoire s'intéresse à celui qui a l'initiative en amour et n'aime pas à le savoir opprimé ni malheureux. Cette disposition bienveillante n'aura pas ici grande satisfaction. La seule sensation que fit Emelina sur son voisin fut toujours celle d'une petite personne fort désœuvrée et très curieuse qui, grâce à l'immense fortune de son père, pouvait vivre dans la fainéantise. Bon, je me sers presque des expressions de l'ouvrier. Passait son temps à voir ce qui se passait chez les voisins. Il s'en expliquait quelquefois dans ces termes avec sa bonne amie Francine, la petite lingère au pot de giroflée. « A-t-on de la chance, s'écriait-il, de pouvoir employer ainsi toute sa journée, les bras croisés, dans un bon fauteuil à ne rien faire et à regarder en l'air ? Ah, c'est ma foi une profession qui me conviendrait !» Francine était femme et ses idées plus vives arrivèrent plus près de la vérité. « Veux-tu que je te dise ?» déclara-t-elle un jour à son amant. « Je suis sûre que Mademoiselle Irnois en tient pour tes beaux yeux. »« Mais allons donc !» répondit l'ouvrier. « Une bossue comme elle, et qu'en outre, on dit idiote. Le diable m'enlève si je voudrais avec tous ses écus. » Franchement, il ne croyait pas à l'amour qu'il inspirait. Monsieur Irnois était fort connu dans le quartier. Et l'ouvrier nourrissait pour lui ce profond respect que l'argent ne mérite pas en général, mais obtient le plus souvent et sans le demander. Aussi, le petit tourneur se fût-il bien gardé d'offenser un homme aussi respectable et aussi puissant. Mais il ne fallait pas moins qu'une telle autorité pour l'empêcher de faire des niches à Emelina. Quelquefois même, le turbulent garçon secoua le frein de la crainte jusqu'au point de chanter malicieusement quand Emelina le regardait trop longtemps, quelques chansons délurées dans le but de la faire retirer de la fenêtre. Mais à sa grande surprise, ce moyen n'avait jamais réussi. C'était tout simple. La jeune fille ne comprenait pas un mot à ses badineries et ne se sentait impressionnée que par le ton joyeux de la romance. « Eh bien, ma foi, disait le tourneur, elle est tout de même assez effrontée, Mademoiselle Irnois. Je lui chante des drôleries à faire dresser les cheveux sur la tête et elle ne sourcille pas. » « Gamin, va !» s'écriait Francine. « Est-ce que tu ne rougis pas de débaucher les jeunesses ? Je te dis que la pauvre bossue perd la tête pour toi. » Francine n'aimait pas Emelina. Ainsi, les amours de notre héroïne n'étaient pas celles qu'on peut nommer fortunées. Il s'en fallait bien. Quelques jours avant le mariage du comte Cabarrot, de grands événements arrivèrent toutefois pour cet amour. C'était bien peu de choses, mais l'importance des faits est toute relative. Racontons-les comme ils se sont passés et sans rhétorique. La cuisinière eut le malheur de casser une chaise dans son antre. Monsieur Irnois, au fond de son cœur, ne détestait pas ces incidents domestiques qui donnaient lieu à son éloquence de s'exercer pleinement. Chaque matin, en robe de chambre, il faisait la visite du maître par toute la maison et lorsqu'il remarquait un détail défectueux, tel qu'une serviette hors de sa place, une bouteille débouchée, une bûche mal placée, il commençait un discours à Birato qui portait la terreur dans l'âme des coupables. Pour éviter d'être foudroyée par une de ses pièces oratoires, la cuisinière, ayant cassé sa chaise, prit conseil du secrétaire intime et de sa fidèle compagne Jeanne, puis elle monta en hâte 3 étages et alla conter son méfait à l'ouvrier tourneur. Celui-ci s'empressa de mettre à la disposition de la belle désolée son talent, ses outils et son bois, et il entra ainsi dans l'appartement de M. Hirnois, où il n'avait jamais mis les pieds. Le hasard voulut qu'au moment où Emmelina, traversant l'appartement, non pas portée, mais appuyée par Jeanne, essayait dans son domaine une de ces promenades qu'elle ne consentait plus à faire que lorsque le tourneur n'était pas à sa fenêtre, et qu'elle l'avait attendu longtemps en vain. Mais elle se trouva face à face, soudain, avec le jeune homme. Le coup fut électrique. En le voyant à quelques pas devant elle, Emmelina éprouva une sensation comparable à celle de ces gens à qui l'on met une vive lumière devant les yeux. Elle poussa un cri et rejeta sa tête en arrière. Dans ce mouvement brusque, son bonnet mal attaché tomba, son peigne se défit, ses beaux cheveux blonds se déroulèrent en boucles innombrables sur les épaules. Soudain, on vit aussi s'animer ses grands yeux, et je ne crains pas de dire qu'avec toutes les imperfections de sa personne, elle eut à ce moment une exquise beauté. Oui, oui, exquise, c'est le mot qui convient. Oh, il ne pouvait être question, pour la pauvre enfant, d'un de ces triomphes de grâce réelle qu'il eussent fait admettre par le berger troyen à lutter sur le mont Ida avec les 3 déesses. Mais si douée de l'expression sublime qu'elle eut à ce moment, elle eût été sur le bord d'une fontaine, rencontrée par quelques voyageurs allemands, celui-ci l'aurait prise pour une de ces séduisantes ondines dont les charmes surnaturels passaient avec raison pour irrésistibles. À cette apparition singulière, le jeune homme s'effraya presque. Il ôta respectueusement son bonnet, hésita une minute, regarda Emmelina croyant qu'elle allait dire quelque chose. Mais elle ne dit rien. Elle se contentait de le regarder avec l'expression la plus poignante que l'on puisse se figurer. Elle restait la tête rejetée en arrière, les yeux fixés sur lui, se tenant au bras de Jeanne, qu'elle serrait avec force, et ne trouvant pas un seul mot à articuler. Ce qu'elle éprouvait n'était pas à la vérité facile à dire. Des personnes plus habiles que la jeune fille à reconnaître leurs sentiments, à démêler leurs impressions, n'en seraient certainement pas venues à bout si elles se fussent trouvées sous le poids de la passion véhémente qui dominait à cette heure Emmelina. Elle était plongée dans une situation analogue à celle des extatiques qui, par la force de la prière, se sont élevées au-dessus du sol. L'ouvrier, voyant que Mademoiselle Hirnois ne lui parlait pas, se dit en lui-même « Eh bien, voilà une folle !» Il gagna la porte, l'ouvrit, passa, la referma et descendit l'escalier pour gagner l'autre corps de logis où était sa chambre. Emmelina se mit à pleurer. Mais qu'as-tu, ma petite ? Demanda la vieille Jeanne. Mais pourquoi pleures-tu, mon enfant ? Pourquoi regardais-tu ce garçon comme tu as fait ? Est-ce qu'il te donnait peur ? Oh non ! Dit Emmelina en cachant son front dans les bras de sa fidèle servante. S'il ne te faisait pas peur, pourquoi t'es-tu détournée ? Tu voudrais peut-être que je le rappelasse ? Emmelina attacha ses beaux yeux sur la vieille femme et lui dit d'une voix profonde et tremblante d'émotion. « Oh oui, rappelle-le !» Jeanne ne comprit pas à coup sûr le sentiment qui faisait parler la jeune malade. Elle courut vers l'escalier et appela l'artisan. Celui-ci s'empressa de remonter. « Mademoiselle veut vous voir, » lui dit la vieille femme. « Tiens, mon Emmelina, le voilà revenu, ce petit jeune homme. Veux-tu lui parler ? Qu'est-ce que tu as à lui dire ? Veux-tu que je lui parle pour toi ? Oh oui, » dit Emmelina. Que faut-il lui dire ? C'était une scène enfantine. Dans l'esprit de la vieille domestique et dans celui du tourneur, il ne s'agissait que de distraire puérilement une enfant malade, mais que ses apparences étaient vaines et insolemment fausses. Tandis que Jeanne s'épuisait en propositions et en observations niaises, Emmelina se livrait tout entière à la contemplation passionnée de ce qu'elle aimait. Son âme était absorbée par le bonheur étrange de l'amour qui vit pour lui-même. Combien cet amour-là peut-il durer chez les êtres ordinaires ? Peu de temps, sans doute, si même il n'existe jamais. Mais ce n'est d'une telle question qu'il s'agit ici. Pour Emelina, c'était le bonheur complet, l'extase entière. Elle n'avait ni écouté ni entendu la série de questions que Jeanne avait adressées en son nom. Partant, elle n'y répondit rien. Ce que voyant, sa domestique se mit à causer pour son propre compte avec le tourneur. Jeanne questionna le jeune ouvrier sur son âge, sur son état, sur sa situation. Emelina faisait grande attention aux réponses. Elle sourit d'une façon tout émue quand le petit voisin se plaignit de la dureté du temps et de la peine qu'il avait à gagner sa vie, et qu'il ajouta « Ah, ma foi, il y a des moments où l'on me donnerait un peu plus d'argent que je n'en gagne, que je serais fort content. » Emelina prit la parole et dit à Jeanne « Allons dans ma chambre. » « Oui, ma petite. Eh bien, adieu, mon garçon. Au revoir. » « Ah non, non !» dit Emelina. « Tu veux qu'il vienne dans ta chambre avec nous ?»« Oui !» dit Emelina. « Ah, bon, allons, jeune homme, venez. Mademoiselle a aujourd'hui de singulières idées. » Quand le trio fut arrivé dans le sanctuaire, « C'est ici que je demeure, » dit Mademoiselle Irnois en regardant l'ouvrier avec une tendresse indicible. « Ah oui, mademoiselle ?» répondit celui-ci. Au fond, ce qu'on lui disait lui était parfaitement indifférent. Et il ne comprenait pas pourquoi la fille du millionnaire l'avait fait entrer. Tout ce qu'il croyait deviner, c'est que cette petite personne, fort désœuvrée et dont il croyait déjà connaître l'esprit curieux, cherchait à distraire son oisiveté en le retenant. Pendant qu'au lieu de regarder la chambre, comme l'observation d'Emelina semblait l'y engager, il se livrait à des réflexions peu flatteuses pour celle qui en était l'objet. Et Emelina s'était approchée de son secrétaire et avait pris une petite boîte qui était dedans et en avait tiré une vingtaine de napoléons. « Donne-lui cela, » dit-elle à Jeanne. « Eh bien, voilà bien un miracle !» s'écria celle-ci. « Mais prenez, mon cher ami, vous êtes la première personne à qui mademoiselle ait donné, car elle ne pense d'ordinaire à âmes qui vivent. Bon, allons, ne soyons pas honteux, allez, elle pourrait vous en jeter dans la poche 100 fois plus sans se faire tort. Elle ne connaît pas sa fortune. » Ni son père non plus ne la connaît pas, le pauvre homme. L'ouvrier se perdit en expressions de reconnaissance. Emelina s'assit dans son fauteuil, et la tête appuyée sur sa main, elle parut se perdre dans la plus délicieuse des rêveries. Elle ne regardait pas le jeune homme. Elle vivait tout en elle. Bon, « Mademoiselle va s'endormir, » dit Jeanne tout bas. « Allez-vous-en. » Quand Emelina releva la tête et ne le trouva plus, elle se mit à pleurer, mais ce fut sans amertume. Son cœur était comme fatigué par l'excès du bonheur. Elle pleurait sans doute de cette séparation subite, mais comme elle venait de goûter la plus grande joie qu'elle eût connue de sa vie, elle n'était pas accessible encore à une véritable douleur. Ses larmes coulaient sur ses joues, comme il arrive quelquefois après un rêve délicieux dont on regrette le prestige, tout en goûtant encore quelques voluptés secrètes dans l'examen de cette joie évanouie. « Mais c'est bien étonnant. C'est bien étonnant !» murmurait la vieille Jeanne assise à ses pieds. « Mais je ne l'ai jamais vue ainsi. » Au bout d'une demi-heure, Emelina pencha sa tête dans son fauteuil et s'endormit réellement. Elle respirait doucement, comme un enfant de 6 ans aurait pu le faire. Et la plus exquise sérénité se peignait sur son front lisse, uni et légèrement coloré. Puis un bruit la réveilla. On apportait de la part de Monsieur le comte Cabarrot une riche corbeille de mariage, rapidement improvisée. Madame Irnois la porta elle-même à sa fille. Mais Emelina ne la regarda point, sourit en tournant la tête de l'autre côté de son fauteuil et fit effort pour se rendormir. Est-ce qu'elle poursuivait un rêve ou qu'elle se reposait de son bonheur? Je ne sais. Chapitre 7. Comme on voit, le cher comte n'avait pas perdu de temps. Après sa visite essentielle à son notaire, n'ayant plus qu'à disposer de ses moments jusqu'au dîner, il avait visité les marchands. Il s'était fait un point d'honneur de réussir vite, en semant de l'or à profusion, à composer une corbeille d'un goût bon et magnifique. Monsieur Cabarrot aimait à courir les magasins. Il avait la prétention d'exceller dans le choix des ajustements féminins et visait à la réputation d'oracle de l'élégance et du bon goût. Monsieur Cabarrot fit merveille dans les boutiques. Châles, dentelles, belles étoffes, tissus précieux, bijoux et diamants, il alla tout voir. Il choisit avec réflexion, mais aussi avec promptitude, et comme on voit, en peu d'heures. Il pouvait envoyer à Mademoiselle Irnois le somptueux résultat de ses galants efforts. On a vu à quel point ce cadeau avait été apprécié. La lettre qui l'accompagnait ne fit pas plus d'effet. Elle était cependant conçue dans les termes les mieux faits pour attendrir le cœur d'une cruelle et faire ressortir la réputation d'homme d'esprit que possédait le comte. Mais dans la maison, on avait trop de préventions contre lui pour être fort sensible à ses démonstrations passionnées. Et la lettre, après avoir passé dans les mains et sous les yeux des trois vieilles dames, fut jetée sur une table, sans qu'on jugeât à propos de tourmenter Emmelina en la lui faisant lire. « Puisqu'il faut qu'elle se marie, la malheureuse, » dit Madame Irnois, « laissons-lui au moins les derniers moments de sa liberté. Je n'ai pas grande idée de ce monsieur Cabarrot, ou plutôt, j'ai idée qu'il n'est pas fort honnête homme. Oh, malheureux enfant! Mais à quoi sert à monsieur Irnois tout l'argent qu'il a amassé? Si j'avais su que cet argent dût me préparer tant de malheurs, je n'en aurais jamais été si fière. » Monsieur Irnois était rentré avant l'arrivée de la corbeille. Il avait raconté avec douleur le résultat négatif de sa démarche auprès de Cabarrot. Et comme tous les gens dont l'esprit n'est pas très actif et dont la nature physique est grossière, il avait à peu près pris son parti du chagrin qui lui arrivait. Ah, il aimait certainement beaucoup sa fille, mais cet amour ne pouvait cependant le transformer. Et une des qualités les plus admirables en lui, un des ressorts de sa fortune, avait été la facilité avec laquelle il avait plié le coup sous tous les échecs. Lorsqu'il était envahi par quelque infortune irréparable, jamais il ne se gendarmait, ne se passionnait, ne se révoltait. Il baissait la tête en laissant le flot passer. Voyant que l'empereur voulait que le comte Cabarrot épousât sa fille, eh bien il s'était représenté la grande puissance de l'empereur et avait cédé. Plus tard, il lui était venu l'idée que, moyennant finances, le fiancé pourrait lâcher la main de sa fille. Il avait fait une tentative de ce côté-là. Bon, la tentative n'avait pas réussi. Il se résignait. Ses murmures, ses jurons ne pouvaient rien contre cette vérité. Il avait beau crier, il était désormais hors d'état de résister. Et la pauvre Emmelina était perdue. Pour Cabarrot, il avait bien de l'esprit, de cet esprit sarcastique, incrédule, mauvais, déshonnête, qui est souvent le partage des gens vieillis dans les affaires. Il devait enthousiasmer de vieux diplomates, de vieux hommes d'État, mais il était horriblement laid et ne pouvait raisonnablement produire une impression satisfaisante sur une jeune fille, à plus forte raison sur Emmelina, dont le cœur était préoccupé comme on l'a vu. Le lendemain du jour, qui était un dimanche, où Emmelina vit l'ouvrier dans sa chambre, les bans furent publiés à la mairie. Ils furent proclamés aussi à l'église. Tout Paris sut désormais officiellement que le comte Cabarrot allait épouser Mademoiselle Irnois. Le chiffre de la fortune apportée en dot par la fiancée, les espérances surtout se trouvèrent plus formidables qu'on ne l'aurait cru. Monsieur Irnois était immensément riche. Mais comment se peut-il, se disaient les rivaux dépités, que ce polisson de millionnaire ait su se cacher si bien dans son trou et que Cabarrot ait été le premier à le déterrer? Outre le bonheur d'épouser Mademoiselle Irnois, le comte eut celui de voir doubler sa réputation de fin diplomate, tant cette négociation entreprise par lui, dans son intérêt particulier, lui fit honneur sous le rapport de la discrétion avec laquelle elle avait été conduite, des augustes moyens qu'il avait su employer, et finalement de l'éclatant succès qu'il avait remporté. On en parla dans ce sens en bon lieu, et plus que jamais l'ambassade qui lui était promise lui fut assurée. Il allait tous les jours faire sa cour à sa future. Bon, je l'ai déjà dit, il détestait les moyens violents et tout ce qui y ressemblait. Avec ses intimes, il ne se cachait plus de l'impression que lui produisait tout ce qu'il voyait chez sa belle-mère. Mais il faisait tout comme s'il eût été transporté d'aise, une fois qu'il se trouvait dans la maison de sa future. Un soir, surtout, il en causa à cœur ouvert. C'était en petit comité, chez M. le baron R. Il était 2 heures du matin. On avait joué un jeu d'enfer, et après souper, cette fine fleur des gens d'esprit de l'époque se délassait en faisant un doigt de conversation. « D'honneur !» s'écria un des convives. « Je ne conçois pas votre conduite, mon cher Cabarrot. Car d'aller épouser la fille d'Irnois, étant ce qu'elle est, c'est déjà bien fou. J'ai pris des informations en tapinois, et la pauvrette, m'a-t-on dit, serait plutôt bonne à mener à l'hôpital qu'à l'hôtel. » Mais, outre que vous l'épousez, vous y allez tous les jours. Mais c'est d'une patience dont je ne vous aurais jamais cru capable. » Cabarrot enfonça ses mains dans ses poches jusqu'au coude, et prenant un de ces airs qu'on appelle moitié figue, moitié raisin, il se laissa aller à quelques menus propos qui ressemblaient assez à des confidences. « Eh, dit-il, je mérite des compliments. » Ah, il est certain que je ne manque pas de patience et qu'il y a bien des moments où je suis tentée d'envoyer au diable ma future famille. Ils ne sont pas aimables, hein ? Dit le maître de la maison en riant. Comme vous le dites, mon cher, reprit Cabarrot, je viens d'y faire une séance de 2 heures et j'ai failli me jurer à moi-même que la première de mes actions, en sortant de l'église, serait de me brouiller avec mon beau-père. Ah ? Et la seconde ? Demanda quelqu'un. Eh bien, d'en faire autant avec ma belle-mère. Bon, alors la troisième, probablement, de leur renvoyer votre femme, s'écria un autre interlocuteur. Bon, ne devançons pas l'avenir, poursuivit Cabarrot. L'impatience m'emportait. Enfin, mais me voyez-vous pendant 2 heures, assis dans un fauteuil, à peu près comme je suis là, ayant devant moi la fille qui pleure, à ma droite, 2 tantes qui gémissent, à ma gauche, la mère qui fond en larmes, et derrière mon dos, le père qui se promène en maugréant. Et pendant 2 heures, je suis là, le sourire sur les lèvres, blâmant doucement cette sensibilité exagérée, faisant des mamours de tous les côtés, et feignant de pleurer de compagnie quand je n'ai pas pu, sur les lèvres, mettre un sourire de bénignité. Oh, « Je m'étonne de votre mansuétude, dit le baron R, car, puisque vous épousez décidément, vous n'avez pas besoin de vous torturer à plaisir en voyant ces gens-là tous les jours. » « Eh, dit Cabarrot, ma mansuétude m'a déjà servi à quelque chose. Ah, à quoi, bon Dieu ? Eh bien, à m'obtenir la confiance de la petite. Bah, enfin, on dit qu'elle ne parle jamais. De fait, elle n'est pas bavarde, et je ne me plaindrai pas d'elle sous ce rapport. Mais elle articule quelquefois de petites phrases, et la preuve, c'est qu'elle m'a honoré d'un colloque. Vous voulez savoir ce qu'elle m'a dit ? Ah, bah, volontiers, dit le baron. Eh bien, ce matin, comme j'écoutais toutes les lamentations, voilà ma petite personne qui, tout à coup, sèche ses larmes et se met à me regarder fixement. Bon, je n'ai, je vous l'avoue, jamais eu de fatuité. À 20 ans, j'étais laid et je le savais. Alors jugez si à 45 ans, j'ai des prétentions à me mettre à côté d'Adonis. Cependant, j'ai eu quelquefois, en ma vie, occasion de reconnaître que la beauté ne fait pas la séduction. Enfin, ou du moins, que la séduction s'en passe aisément. Sans donc être trop effrayé de cet examen, je m'empressai de donner à ma physionomie cette expression entrante qui attire tout d'abord la confiance. « Oui, dit en riant un des écouteurs, et que vous aviez le jour où Talien sembla témoigner l'envie de vous faire décréter d'accusation ?»« Bon, n'insistons pas sur le passé. » Bref, la petite n'imita pas le tribun, et avec une candeur toute virginale, elle me tendit la main. « Peste, dit le baron, elle vous tendit la main. »« Oui, et s'écria. »« Ah, voyons ce qu'elle s'écria. » »« Elle s'écria. Donnez-moi de l'argent pour lui. »« Pour lui, dis-je un peu étonné. » On m'expliqua alors qu'il y avait dans la maison une espèce de petit ouvrier qui avait fait entendre à mademoiselle Irnois ses plaintes banales sur sa situation, que font toujours ces gens-là, et que depuis ce moment, elle allait demandant partout, à père, à mère, et comme vous voyez, au futur, les moyens de satisfaire à sa charité un peu mal dirigée. Je m'empressai de profiter de cette circonstance inattendue pour faire ma cour. J'affirmai à mademoiselle Irnois que non seulement je lui donnerais tout l'argent qu'elle pourrait désirer pour son favori, mais que j'irais moi-même m'informer de la situation de ce jeune homme. Comme je vis qu'elle m'écoutait avec attention, je crus utile de pousser jusqu'au dithyrambe. « Quoi de plus intéressant, m'écriai-je, pour une âme sensible, que la vue de la jeunesse luttant courageusement contre le malheur ?» Est-il rien de plus admirable qu'un pauvre garçon, gai, content au milieu de l'infortune ? Ah, s'il est un dieu qui protège l'innocence, ce dieu sans doute n'a pas de plus grande délice que... Bon, enfin, je vous avoue que je m'entortillais un peu dans mes phrases. Mais je ne le regrettais pas, tant ma belle semblait mettre d'attention à m'écouter. Je poussais presque à l'extravagance, et pour couronner l'œuvre, j'offris d'aller m'informer sur l'heure même de la situation du malheureux. Un empressement marqué accueillit ma proposition, et je m'élançai vers la mansarde. Je ne trouvais point, comme je m'y attendais, quelques maroufles mourant de faim, mais un petit gaillard frétillant, qui me fit l'effet d'un véritable héros de guinguette. « Oh, mon pauvre cabaret !» s'écria le baron en éclatant de rire. « Est-ce que... » « Oui, ben, ce fut précisément l'idée qui me vint, » reprit le comte. « Je me dis comme vous. Est-ce que... » Et je fis causer l'ouvrier. Il me rassura quant au passé et ne me laissa pas sans inquiétude sur les dispositions de ma future. Quand je dis sans inquiétude, c'est une façon de parler, car je vous assure, et vous me croirez, que l'amour fidèle de Madame la Comtesse Cabarrot serait pour moi un bien grandement inutile. Mais il paraît que la petite personne a les passions vives et que j'aurais aussi mille raisons pour la tenir en charte privée ou pour la mettre à l'écart comme il me conviendra mieux. Vous voyez donc que je n'ai pas tort de faire l'empresser, puisque je dois, à cette façon d'agir, de précieuses notions sur le caractère de ma prétendue. Ah, on rit beaucoup de l'avenir conjugal qui paraissait réservé à Cabarrot. Le pauvre Cabarrot. On fit succéder aux observations particulières sur le cas présent des observations générales sur les femmes, qui dirent ces messieurs avaient toutes, spirituelles ou sottes, malades ou valides, un fond natif de perversité contre lequel l'éducation luttait en vain. Les habitants de ce salon avaient peu d'estime pour la belle moitié du genre humain. L'époque du mariage avançait rapidement, et Mélina ne s'en occupait point. Elle avait même pris un certain goût pour Cabarrot depuis la visite du conseiller d'État chez le jeune tourneur. Monsieur Irnois en avait tiré la conséquence que sa fille n'était pas fâchée de se marier. Et Mesdemoiselles Maigrelu abondèrent dans son sens en déclarant qu'après tout, il n'était pas désagréable de devenir comtesse et grande dame. Madame Irnois, seule, à demi éclairée par un instinct qui fait le mérite et la gloire de la Sarigue, concevait des doutes et même des inquiétudes graves. Et Mélina, encore une fois, ne s'occupait de rien et passait toute sa journée à sa fenêtre, occupée à regarder l'artisan. Ah, voilà la fin de l'histoire qui approche. Je voudrais lui enlever toutes les apparences du mélodrame. Bon, le mélodrame n'est pas vrai. La vérité seule est triste. Le matin du jour marqué pour le mariage, Cabarrot arriva de très bonne heure avec ses témoins. Monsieur Irnois avait convoqué les siens, deux hommes de son espèce. On se réunit dans le salon. Grâce au comte, il régnait une espèce de gaieté. D'ailleurs, Mesdemoiselles Maigrelu avait fini par le trouver aimable pour des pastilles qu'il leur avait quelquefois apportées. On habilla la mariée en blanc avec une couronne et un bouquet de fleurs d'oranger comme c'est l'usage. Elle s'impatienta beaucoup, parce que tous ces dérangements inaccoutumés l'empêchèrent de se mettre à sa fenêtre. Quand il fallut sortir, elle éprouva un grand déplaisir. Et lorsque M. Cabarrot s'avança au devant d'elle en grand costume et qu'il lui prit la main, elle vit des visages inconnus et une sorte de solennité répandue partout. Elle parut alors réfléchir et comprendre qu'il se passait quelque chose qui méritait son attention. À la mairie, elle devina, à ce qu'il paraît, ce qu'on lui disait et toute la portée des paroles, car elle devint blanche comme sa robe. Quand le magistrat lui demanda le « oui » sacramental, elle avait la tête baissée et ne répondit rien. Mais on n'y prit pas garde et la cérémonie s'acheva. À l'église, on la soutenait pour la faire marcher. Le comte était fort gai et poli. Il avait désormais toute assurance de n'avoir pas perdu sa peine. Et il fut jugé galant, galant homme, par les promesses qu'il fit à Madame Irnois de considérer comme il fallait l'état de souffrance de sa fille. Le moment de la séparation fut assez pénible. Comme je l'ai dit, Emelina comprenait ce qui avait lieu et en ressentait profondément l'ébranlement, mais elle ne dit rien. On lui trouva beaucoup de fièvre et M. Cabarrot fit promptement venir un médecin. L'homme de l'art se montra surpris qu'on eût marié une fille ainsi conformée et qu'on eût choisi surtout un moment où elle était visiblement en proie à une réelle souffrance. On coucha la mariée et une garde malade s'installa à côté d'elle. Le lendemain, en se réveillant à demi de la torpeur dans laquelle elle avait été comme ensevelie, Emmelina appela Jeanne. Ce fut une figure inconnue qui se présenta. Ainsi, tout étant chagrin pour une âme qui n'avait pas besoin d'être violemment secouée pour être anéantie. Emmelina voulut se lever. On se récria. Elle insista en pleurant. Enfin, l'on céda et à demi habillée, elle se traîna jusqu'à la fenêtre et leva le rideau. On devine bien ce qu'elle allait chercher. Mais au lieu de voir la mansarde et l'ouvrier, elle aperçut le jardin de son hôtel. Elle se laissa aller dans les bras de la femme qui la soutenait et perdit toute connaissance. On cria, on appela, on porta la comtesse sur son lit. Le médecin accourut et secoua la tête. Ce qui se passait depuis la veille ne créait pas une maladie mortelle, mais développait rapidement toutes les causes de dissolution déposées par une constitution viciée dans ce pauvre être. Au milieu de la journée, le comte Cabarrot vint demander des nouvelles de sa femme. Il renvoya les gens de service et s'établit près de son lit. Puis au bout d'une demi-heure, il rappela les domestiques et s'en alla. Le médecin avait eu raison de secouer la tête. La comtesse traîna encore 8 jours. Tous les matins, elle faisait ouvrir sa fenêtre pour voir si elle apercevait la mansarde. Puis, trompée, elle soupirait. Elle ne fit pas une plainte et ne prononça pas un seul mot qui pût donner à connaître ce qui se passait en elle. Oh, le 8e jour, elle mourut. Le comte Cabarrot lui fit des obsèques magnifiques. Il héritait de tout ce qu'elle avait apporté en dot. Par suite de sa prudence et de ses bons procédés, il obtint de M. Irnois la confirmation des dispositions dernières qu'avant de mourir, Emmelina avait signées en sa faveur. La mère, les tantes, le père tombèrent dans un chagrin qu'on ne saurait exprimer. Mais chacun autour d'eux les trouvait plus à féliciter qu'à plaindre. « Oh, ce n'était vraiment pas une femme !» disaient les voisins en levant les épaules. Les voisins avaient raison. Mademoiselle Irnois était une âme. Sa vie n'avait pas été pareille à l'existence ordinaire des enfants des hommes. Si par un hasard difficile, j'en conviens, elle eût pu rencontrer ce que réclamait son organisation, un amour angélique comme le sien, elle eût peut-être atteint à une intensité de bonheur que pourront comprendre ceux qui savent à quel point de perfection arrivent les facultés laissées aux gens mutilés. Les aveugles entendent mieux que personne. Les sourds voit plus loin. Emmelina n'avait que le pouvoir d'aimer, et elle aima bien.